Salut à toi, auditrice, auditeur de Radio Gemozo. Nous sommes le mercredi 10 avril, il est 14h06. Soyez les bienvenus dans l'émission spéciale Beltuner, qui sortira son nouvel album ce vendredi, qui sera en concert également ce soir à la Jéromoise de Gérardmer à 20h, demain au Copain d'abord dans la même ville et à la même heure, et vendredi à Vanier, à l'Estaminet, à 21h. Pour en parler, nous recevons deux membres du groupe, Johan Rich et Bertrand Allôme. Bonjour messieurs. Bonjour. Salut Mick. Hey, Johan, c'est le retour 3 ans après. Le retour. La dernière fois que tu es venu dans ce studio, tu as accompagné Miossec. Ensuite, j'étais sur Miossec, c'est vrai. Tu as accompagné 16 depuis. 16. Et le retour avec ton groupe, Beltuner. Oui. Comment a commencé l'aventure de ce groupe? Je vais laisser parler Bertrand, parce que il résumera bien, il synthétisera bien le truc. Ok. Alors je vais raconter l'histoire de Beltuner, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout départ de Beltuner, moi, j'étais pas là. Juste pour que les gens comprennent bien, moi je fais partie de l'histoire Beltuner, mais en fait je suis le réalisateur des albums de Beltuner dans un premier temps. Alors, avec Johan, on se connaissait depuis quelques années avant le démarrage de Beltuner, mais voilà, c'est moi, je suis à la base le réalisateur. et puis il y a des événements qui font que je me suis retrouvé à la basse dans Beltuner il y a un an et demi maintenant. Peut-être on expliquera pourquoi. Donc j'ai rejoint Beltuner à ce moment-là. Alors, pour revenir sur l'histoire de Beltuner, puisque c'est ça qui nous intéresse dans un premier temps, Beltuner, ça a été fondé en 2001 par Johan Arnaud, qui était le guitariste soliste à l'époque, Pascal Muller, qui est toujours là, heureusement, et puis Nicolas Potra. Donc ça, c'était la première mouture de Beltuner en 2001. Pas mal de concerts d'entrée de jeu, c'est un groupe qui a été rapidement repéré, et puis moi, je montais mon label à l'époque, fin 2003, et on avait bien sûr en tête de produire Beltuner, et donc le premier album de Beltuner est sorti en 2005 sur Ici Label, donc le label que j'avais cofondé avec deux amis. Donc ça c'était le début, donc premier album en 2005, pas mal de concerts, des tournées, suivi du deuxième album en 2008 de mémoire, puis du troisième album en 2012. Tout simplement, c'est le titre de l'album, je précise. Et derrière ça, encore des concerts. Alors Beltuner, ça tournait un peu partout dans le monde. Au final, hein, depuis 2001, il y a eu des tournées en Russie, en Inde, au Moyen-Orient, Dubaï, beaucoup, à Moscou, beaucoup en Italie. Ouais, Italie, etc. Angleterre. Bon, bref, des quantités de concerts. En France aussi, beaucoup de festivals. Donc ça c'est un peu l'histoire résumée de Beltuner, et puis là on est 6-7 ans après la sortie du dernier album, hein, donc qui date de 2012, et là on sort le quatrième album qui s'appelle Promis, le tout nouvel album de Beltuner, avec le line-up actuel de Beltuner qui a beaucoup évolué, parce qu'à travers tous ces albums il y a aussi d'autres musiciens qui ont croisé la route de Beltuner, qui ont enregistré les deux premiers albums c'est le même line-up, c'est la même distribution, hein, donc Johan Rich à l'accordéon, Arnaud Soidé à la guitare solo, Pascal Muller à la guitare rythmique et Nicolas Potras à la contrebasse. Sur le troisième album... Ensuite, il y a eu Guillaume Juel à la guitare, il y a eu Véronique Audin au violon, et puis ensuite, pour l'album, tout simplement, Jérémy Torgeman au violon. Après le résumé de l'histoire de Beltuner, maintenant le détail. Répéter le détail. On est là pour ça, puisque on a bien 2 heures devant nous, cool. Facile, avant d'en arriver au dernier album, album. On va commencer, tu le disais, à cet album Beltuner 1, en 2005, avec un premier morceau. Et j'adore, je pense que ça résume toute l'histoire que tu viens de nous raconter, Bertrand. No comment. Ça va bien? Thank you. Lacunaire. Le titre s'appelle No Comment, l'album 1, paru en 2005. Mais ça, vous savez déjà si vous avez écouté le Petit Beltunaire illustré par Bertrand Allôme, bassiste du groupe ici présent. Il y a aussi Johan Rich, accordéoniste. Bon, ils sont tous compositeurs, interprètes. Bon, réalisateur, non, Johan, t'as pas encore réalisé. Bon, c'est le cas. Non, je dépends de tout le monde. Mais... justement, il y a Bertrand. Mais Bertrand, elle est géniale, cette histoire, hein, puisque comme tu nous l'as expliqué, au départ, t'es pas membre du groupe, même si pour moi, un réalisateur est un membre d'un groupe. Bien sûr. Donc, tu as réalisé tous les albums et maintenant, depuis ce nouvel album apparaître ce vendredi, tu es le bassiste. Mais attendez, promis, oui, elle est facile à faire puisque c'est le nom du dernier album. Bien, on va vous la faire un paquet de fois. Promis, nous en parlerons, mais en attendant, on va continuer à faire la route avec vous. Elle est longue, hein, cette route, puisque depuis 2001, c'est là qu'a été fondé le groupe. Le premier album paru en 2005. Est-ce que vous vous rappelez des conditions d'enregistrement? Est-ce qu'il y a des anecdotes là-dessus? Quels sont les points qui vous restent 18 ans, enfin non, 14 ans après? 14 ans. Ah ouais, alors c'était une expérience assez unique, l'enregistrement du premier album. Alors tout d'abord, on enregistrait ça donc pour Ici Label, donc jeune label, hein, c'était le troisième album qu'on enregistrait, donc voilà. On avait monté un super dossier de subvention européenne qui m'avait pris un temps mais énorme à l'époque. Et on s'était retrouvé avec Beltunner en résidence dans un théâtre à Tourotte dans l'Oise. Voilà, c'était un théâtre qui faisait aussi salle de cinéma. Salle. Ouais, tu te rappelles? Pendant une semaine. Tourotte ou tu pètes. Voilà. C'est Joël. Et le truc, c'est là qu'on a découvert un peu la recette pour faire un bon disque Beltunner. Parce qu'on a commencé, on avait un joli plateau, on avait mis les musiciens sur le plateau, moi j'étais dans la salle, puis on commence à enregistrer, etc. Alors bon, les morceaux étaient bien, les versions étaient pas mal, mais on retrouvait pas la magie de Beltunner comme on la connaît sur scène. Et du coup, pendant la semaine, on a organisé des concerts dans la salle pour qu'il y ait du public et que ça transforme la musique de Beltunner. Et ça a été le point de départ, la recette qu'on a appliquée à tous les autres albums, c'est qu'il faut toujours à un moment ou à un autre qu'il y ait du public dans l'enregistrement pour que ça prenne, pour que la magie elle soit là. Voilà, donc ça a vraiment été le gros truc, la grosse clé qu'on a découvert pendant cette semaine d'enregistrement en 2000, ouais, il sortait en 2005, donc c'était en 2004 l'enregistrement. C'était donc, alors on peut pas forcément dire un enregistrement live en concert puisque je crois que tous les morceaux ne sont pas enregistrés en public. Non, tout est enregistré au même endroit, mais en fait pendant la journée on travaillait sur les versions dites studio, c'est-à-dire à huis clos, et le soir on les jouait avec du public. On a fait ça 3 soirs de suite, je crois. On appelait les copains parce que voilà, c'était dans l'Oise, c'est là où est basé Ici Label, c'est là où moi je suis basé, donc on a tout un réseau d'amis, et puis Beltunner avait été déjà bien repéré dans le coin avec l'horloge et Tracécy, donc un petit village dans lequel il y a une super salle de concert non loin de Tourotte, et on avait fait appel à ces gens-là en disant venez assister à l'enregistrement, envoyez des messages, faites venir les copains, et comme ça on arrivait à rassembler 50-60 personnes tous les soirs qu'on mettait dans la salle pour justement se retrouver en situation concert. Et voilà, en fait, faut savoir que Johan Rich, dès qu'il y a du public, il se métamorphose. Et les morceaux qu'on entend, alors ils sont enregistrés en public ou ils sont enregistrés l'après-midi? Il faut reprendre cas par cas, en fait, ça dépend. À chaque fois, on a conservé la meilleure version. Alors, je pense que No Comment, et ça doit être une version publique, parce que les morceaux, dès qu'ils envoient un peu, on avait besoin de cette présence du public pour que vraiment le groupe se dépasse et que ça prenne ce côté magique. Donc, de mémoire, il faudrait revérifier dans les fichiers de prise, etc. Mais je crois que le morceau qu'on vient d'écouter était pris en public. Il y a d'autres choses, Johan, dont tu te rappelles de ce premier album? Oh, sûrement, il y a que ça, mais si je me souviens de quelque chose en particulier, c'est la version, je crois, c'est sur l'album 1 de Gnossienne d'Eric Satie, la Gnossienne numéro 3. Numéro 1. Et ça, c'était marquant puisqu'on n'arrivait pas à faire de prise dessus. Et dans la semaine, il était, je sais pas moi, 3-4 heures du matin, on était exténués, enfin crevés. Et on s'est dit, allez, on fait une dernière prise, juste comme ça, dans l'état de fatigue. Il y a des fois, bon, il peut se passer des choses. Et effectivement, une magie s'est opérée, on a fait une version, voilà, on s'est tous regardés, on s'est dit c'est bon. Dans l'intention, il y avait l'intention, il y avait l'énergie, on a gardé, on a fait en one shot. Et c'est vrai que c'est une chanson qui est restée et depuis, on continue toujours autant à la jouer avec autant de plaisir. Et c'est des morceaux qui passent le temps. Ça, ça n'a pas de limite. C'est comme, il y a des morceaux comme ça qui peuvent vivre plus que l'humanité, qui restent tout le temps. Et en plus, on les interprète tout le temps, à chaque fois, différemment. Donc pour nous, c'est pas rébarbatif et c'est pas, on joue pas exactement comme sur l'album, évidemment, puisque c'est toujours aussi peut-être un peu la force de Beltunère, c'est que on joue jamais deux fois la même chose. Enfin, il y a les structures, il y a une directive quand même, il y a un peu de discipline hein, quand même, il en faut. Mais il y a du lâcher prise, de la liberté. Ça, c'est fondamental dans l'approche de l'improvisation. De la Libertango, c'est aussi le nom d'un titre paru sur l'album. Et ça, c'est une reprise. Oui, album 1 de Beltunère. Et le titre, le morceau dont tu viens de parler, Johan, oui. Gnossienne numéro 1 d'Eric Satie, si vous avez envie de l'entendre, ben vous ne l'entendrez pas maintenant, vous achèterez. Oui, elle est trop longue, c'est pour ça. Oui. T'es un fumier, toi. Ah non. Parce qu'elle dure 10 minutes, alors. Alors, on ne t'écoute pas avec Radio Gamozo, hein, parce qu'on a déjà passé un titre d'1h05 ici. Ah oui, c'est vrai. Dans une émission qui s'appelle Format. Non, non, il n'y a pas. Pour moi. Vous verrez que cet après-midi, on écoutera des morceaux plus longs. Non. C'est juste On la jouera ce soir, en tout cas, à la Jérômoise. C'est juste pour un petit rappel, parce que c'est vrai que dans les journaux, parce qu'ils veulent pas spécialement faire de publicité, donc je vais l'annoncer publiquement là, pour les quelques-uns qui écoutent. Je sais que le bouche à oreille, ça marche bien dans les Vosges. Donc, on sera ce soir à partir de 20h à la Jérômoise, à Gérardmer, où on va faire une rencontre avec le public, des dédicaces. On a les albums, on en a plein les poches. Il est arrivé ce matin dans les Vosges directement. Donc ça, c'est super. Revoir les copains, enfin passer du bon temps et puis faire découvrir aussi Beltunère en live. C'est le but. On sera jeudi, donc demain, aux Copains d'abord, chez Coco, pour ceux qui connaissent. Les copains d'abord à Gérardmer, et là c'est plus un apéro-concert qui commencera un peu plus tôt, à 19h, 18h30, 19h. Et on finira aussi en beauté, puisque c'est l'anniversaire de Rudy à l'Estaminet. On joue vendredi soir, c'est le dernier concert de Beltunère, peut-être un peu plus festif. Voilà, c'est son anniversaire. On est super content d'aller jouer chez lui. Ça fait quelques années, ça fait longtemps qu'on n'a pas été chez Rudy, et d'aller jouer à Vanier, voilà, c'est super. En plus, c'est pour une bonne cause. Ça va être très sympa. Donc, on y sera à 20h30. On joue à l'Estaminet vendredi soir. Et après, retour Paris, on a des concerts à Paris. Voilà. Profitez que le groupe soit dans les Vosges, hein, Beltunère, puisque c'est assez rare, hein, bien que Johan et Pascal Muller, le guitariste, soient de... Oui, Pascal, bien sûr, il est Jérômois, bien sûr. Toi, tu es du Taulis. Sinon, on le disait, toi, c'est l'Oise, Bertrand, la Picardie. Picardie, je suis né à Amiens, mais je vis dans l'Oise maintenant. Ouais. Et puis, il y a un autre Parisien, Michael Correa, qui lui est région parisienne. Le batteur du groupe. 91. Et Pascal, maintenant, il vit plus dans les Vosges, hein, tout comme Pascal, toi. Pascal, il vit à Rennes. Ouais. Oui. Oui, oui. Pour toujours revenir et parler du premier album, l'album 1, moi, ce qui me plaisait beaucoup, ce qui me plaît toujours d'ailleurs, ce sont les interludes qu'on retrouve également dans l'album 2. Ah, les petits bouts de quelques secondes comme ça. Ça, c'est parce qu'on ne savait pas quoi mettre sur l'album. Non. On s'est dit, allez, on va reprendre les trucs un peu à la sauce différente à chaque vrai. Fois. C'est un vrai concept de Nico. C'était un concept. Ouais. C'est un voyage avec Beltunère. D'ailleurs, je vais vous faire écouter le premier. On peut dire que ce sont donc ces interludes, c'est la déclinaison d'un même thème. Oui, et puis garder une ligne, un lien, c'était ça aussi. C'est toujours pareil. Quand on fait un album aussi, on raconte quelque chose. C'est comme un livre ouvert. avec un début, une fin, une histoire. C'est comme chaque chanson. C'est pour ça que c'est toujours frustrant dans les radios, puisque souvent on nous dit il faut un format 3 minutes. Alors en 3 minutes, faut raconter une histoire. Mais Beltuner, souvent, ça lui suffit pas. Une chanson, ça nous prend au moins 6. Alors c'est difficile. Non, tout ça pour dire que ben oui, ces interludes, ils servent de lien. Et puis ils montrent aussi à quel point, en changeant aussi le rythme ou peu de choses, eh ben ça peut raconter aussi tout à fait autre chose. Ça peut emmener aussi ailleurs. Donc tout est tellement modulable dans la musique, c'est magnifique. Vous avez préparé vos valises, vos slips de bain, allez, c'est parti, on va avec Beltuner au Brésil. Beltuner au Brésil sur l'album. Ah oui, alors là c'est incroyable, tu me ramènes là dans le temps, c'est projection à je sais pas combien d'années en arrière, mais pour dire que cette chanson là, c'est une chanson que Pierre Desproges a écrit, que j'ai mis en musique, un spectacle que j'ai eu la chance de faire avec sa femme et puis Michel Didim, le metteur en scène. C'est une chanson que Pierre avait écrit, que j'ai mis en musique. Enfin, il y en a plusieurs. C'était un spectacle qui s'appelait Les animaux ne savent pas qu'ils vont mourir. Et donc, c'est une chanson, je me souviens, qui n'avait pas été retenue spécialement dans le spectacle parce qu'il y avait beaucoup, il fallait faire des choix. Bon, elle me plaisait tellement, cette chanson, que j'ai eu envie de la glisser dans le CD un petit peu. En tout cas, la chanson, la petite mélodie qu'on entend là. Et voilà, juste pour l'anecdote. Et pour illustrer ce que tu disais précédemment, le fait de changer de rythme, par exemple, ou changer un petit élément musical, eh bien, la mélodie devient tout autre. Et cette fois, vous allez entendre cette déclinaison. Et c'est génial, hein, on part voyager. Qu'est-ce avec vous. Qu'est-ce que tu vas envoyer? En Jamaïque. Ah ouais. Bah tiens. Beltuner en Jamaïque sur l'album. Là, on était un peu lent. Je sais pas ce qu'on avait bu ou fumé, mais non, mais putain, il y a 15 ans, mais on était. Non, tu trouves pas ça un peu putain, Mais justement, c'est rigolo. On est sur un lac, on rame un peu, quoi, non? Mais c'est rigolo déjà parce que moi. Je crois que vous allez un peu plus rapidement sur cette version. Sur l'album 2, il y a une version, je crois que c'est... Ah mais t'as fait le boulot, hein, t'as fait sur les dossiers là. Bah tiens, écoute, Beltuner... Tu nous remontes des trucs toujours là. En Jamaïque, je crois que c'est un peu plus rapide sur l'album 2. Oh, c'est plus la même chanson aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. On avait l'esprit quand même de contradiction à cette époque. Ouais. Tranquille. Hein. Ah oui, j'avais encore mon esprit de chevaux dans la tête. Et du coup, je m'étais trompé. Moi, je croyais que c'était plus rapide, mais c'est pas à ce moment-là. Ouais. Là, on est passé directement donc de l'album 1 à l'album 2 de Beltuner. Donc, on a pris 3 ans dans les dents, hein, de 2005 à 2008. Quels ont été les changements déjà entre les deux albums? Beaucoup de concerts, ça c'est sûr, à travers le monde, Bertrand. Ouais, il y avait eu beaucoup de concerts. Là aussi, ça a dû influencer cet enregistrement 2 qui, tout comme le précédent, a été enregistré en partie en public. Bah en fait, pour ma part, à la réalisation à l'époque, et puis en lien avec Nicolas Potras, donc le contrebassiste, puis voilà, avec qui on travaillait en binôme sur Beltuner pour organiser certains concerts, organiser les enregistrements, organiser la promotion autour du groupe. En fait, là, le deuxième album, on l'enregistre à Tulle. On est accueilli pour une résidence d'une semaine par le festival Les Nuits de Nacre. Nacre. Donc on passe une semaine à enregistrer. Et pareil, là pour rationaliser, il y avait, je crois qu'on passe 4 ou 5 jours à huis clos là dans la salle dans laquelle on était. Et le dernier jour, là on fait un vrai concert public. C'est-à-dire que là on amène toute la sono, le truc. Et on fait un vrai concert public avec une captation de ce concert en se disant ben voilà, on va pouvoir travailler à la fois sur des choses. On n'avait pas travaillé tout le répertoire d'ailleurs. Je sais qu'on avait mis des, il y a des morceaux qu'on a même pas essayé d'enregistrer à huis clos. Oui. En se disant ceux-là ils marcheront qu'en public, ça sert à rien de perdre du temps dessus. Et puis on a fait le concert. Et puis encore une fois, comme pour l'album 1, c'est un assemblage des morceaux à huis clos et des morceaux en live. Résidence aussi, c'était à la résidence à Tulle. Ouais, c'est pendant la résidence. Mais la résidence s'est terminée par un concert. Oui, oui. Oui, on a été aussi un peu aidé à l'époque, quoi qu'on en pense, par François Hollande, qui était maire. Voilà, donc ah ouais, merci quand même, merci François. Il était passé derrière au concert. C'était bien sympatoche et il est fan de Beltuner, entre parenthèses. Nos politiques, ce n'est pas attirant. Non, t'inquiète, il n'y a aucun souci. On parle que de fans. On parle de fans, là. Ah oui. Eh ben, et puis, comme tu l'expliquais, puisque c'est sa ville, hein. Ouais. À Tulle, en Corrèze. Non, ben, faut préciser quand même qu'à Tulle, c'est là que se déroule le plus gros festival d'accordéon de France. Ouais. Avec, sur 3 jours, 60 000 personnes, avec des accordéonistes venus du monde entier, enfin, des accordéonistes totalement accordéonistes et accordéonistes, des filles aussi beaucoup, et puis, avec du gros niveau, enfin, voilà, c'est sérieux, ça rigole pas, ça joue grave, c'est super, il y en a pour tous les goûts, ça va du musette au contemporain. Et voilà, c'est un festival que je vous incite vraiment à venir découvrir, qui se déroule fin juin. Maintenant. Désormais, avant c'était en septembre, mais après avec les raisons climatiques, c'est pas toujours évident. Donc. Les nuits de Nacre. Les nuits de Nacre. Ouais. Oui. Sur cet album 2, d'autres choses que. Vous avez envie de nous dire? Bon, non. On le rappelle, hein, c'était il y a 11 ans, donc. Non, moi, juste avec le recul, mais je pense que c'est vrai que c'était je sais que je composais beaucoup, j'étais productif, et puis je pense que pour donner une petite critique, c'était un peu trop. J'ai voulu, avec Nico, on voulait tellement mettre de morceaux, on en avait plein. Sur l'album, que c'est vrai que avec le recul, je me dis ouais, je sais pas, il y a 26 pistes, même si c'est des courtes, mais ça fait un peu beaucoup pour un album. Disons, c'est condensé. Le deuxième, d'ailleurs, bon, on peut plus spécialement le trouver, on peut que l'écouter, mais plus l'acheter, il est plus dispo. C'est un bon album, hein, je critique pas, mais c'est vrai que beaucoup, hein, dense. Hein. Ouais. Bertrand. Ouais, c'est vrai qu'il était dense. Ouais, mais bon, il a très bien marché aussi. Hein. Il a bien marché, il a bien vécu, et puis nous, on était c'est l'époque où on vendait encore des disques. Ouais, le marché du disque. Il n'était pas du tout le même. Il était bien. Parce que là, si on faut savoir, le premier album de Beltuner, quand on fait les comptes maintenant, il est vendu à plus de 70 000 exemplaires. En fait. Ce qui est, aujourd'hui, c'est énorme. Ah, j'ai fait 70 000 ex de mon dernier album. Là, tout le monde tombe des nues, hein. T'es disque d'or maintenant à 70 000. Même plus que disque d'or. Voilà. Et le deuxième album, le premier album, il a une histoire un peu particulière parce qu'il a été aussi retenu pour la compile. C'est le The Road Guide. En fait, le premier album de Beltuner avait été retenu par donc la compile montée par The Road Guide. Road Guide, c'est en fait une boîte internationale qui fait des petits bouquins pour découvrir des villes partout dans le monde. Et souvent, c'est accompagné d'un CD et c'est vendu dans tous les aéroports. Et donc, il y a un morceau de Beltuner dans la compile et le premier album a été offert avec le bouquin sur Montmartre. Voilà, comme ça, quand t'étais dans l'avion et puis que t'allais te scratcher, bah, tu te mettais une petite musique de Beltuner avant de t'endormir, quoi. Tranquillou. En tout cas, on peut l'acheter quand même en version numérique sur le site beltuner.fr. Oui, oui, les versions numériques, tous les albums de Beltuner sont disponibles en numérique à l'achat et aussi sur toutes les plateformes de streaming parce qu'on peut pas faire sans maintenant. Donc, ça, on les trouve sans problème. Vous tapez dans votre moteur de recherche, je sais, vous écoutez en même temps, vous tapez sur l'ordinateur. Bah, ça tombe bien, vous allez pouvoir illustrer tout ce qu'on dit par notamment des photos ou autres que vous verrez sur le site beltuner.fr. Si vous tapez Beltuner, B-E-L-T-U-N-E-R, vous vous tomberez plutôt sur la page Facebook en premier lieu. Il y a également Bandcamp, il y a la chaîne YouTube. De toute façon, vous êtes sur tous les réseaux sociaux, vous êtes sur toutes les plateformes. Et le site, alors le site, faut quand même taper, parce que si on tape simplement ce que je viens de dire, Beltuner, on tombe pas sur. Enfin, Beltuner sur Google, ça marche encore pas, c'est un peu trop récent là. Enfin, comme ça a été actualisé, mais faut aller dans la barre de recherche en tapant www et ça nous conduit Beltuner.fr. Beltuner.fr et là c'est direct. Bon, quand t'as Beltuner tout court, petit à petit, on trouve beaucoup d'infos. Après, le nouveau site, effectivement, il faut encore le temps que les bots, comme on dit, fassent leur travail, les petits robots de référencement des moteurs de recherche. Et voilà, et petit à petit, il arrive, etc. On a eu des petits soucis techniques. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant sur le nom de domaine, et voilà, on s'est fait un peu carotter notre nom de domaine. Et il a fallu faire des tas de démarches et puis trouver des astuces. Je savais pas, on voulait voler le nom de Beltuner. Beltuner.com. Mais c'est pas possible ça. Bah en fait non, c'est le plagiat là, il y a plagiat. Peut-être on va en reparler après le troisième album, mais voilà, comme il y a eu on a perdu un membre du groupe qui gérait ça en particulier. Ouais. Et il était vraiment le seul à gérer, et d'un seul coup l'ancien nom de domaine Beltuner.com s'est retrouvé dans la nature parce que il fallait payer pour le renouvellement et personne n'était au courant. Parce que jusqu'ici c'est Nico qui gérait ça, et du coup y a des sites comme Beltuner.com, c'était quand même un nom de domaine qui était très très bien référencé, très très utilisé, etc., parce qu'on a quand même un gros public avec toutes les tournées, etc. C'était un nom qui était bien classé chez Google. Et bien sûr, le jour où il est retombé dans le domaine public, il y a plusieurs boîtes qui sont empressées de le récupérer et nous demander des sommes assez colossales pour pouvoir le réutiliser. Hey, t'as vu les tarbas, putain. Foutrais, moi. À propos d'album, ce que je disais, en plus, moi, ce que je trouve génial, c'est que votre musique, elle est, enfin, géniale pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens, elle est très peu chère. Ce que vous mettez à disposition, donc les albums numériques, 9 euros. Il y a même les albums physiques qui sont à 9 euros. Oui. Ouais, c'est super. En précommande, 9 euros. Il y a 2 euros de frais de port. Enfin, maintenant, on peut avoir l'album pour moitié prix. Enfin, un album en gros, c'est 17-20 euros, tu vois. Donc là, pour 9 euros, je trouve, enfin, c'est pas mal. On l'a. Il en faut pour tous les budgets. Oui. Voilà, faut être accessible. En plus de ça, faut être réaliste. Faut être réaliste à plusieurs titres. C'est-à-dire que ça sert à rien de vendre la musique chère, ça la rend pas meilleure, je pense. Deuxième chose, faut être aussi réaliste sur le fait que la réalisation d'un album en 2010-2020, c'est plus le prix que coûtait la réalisation d'un album dans les années 90. Donc on n'a plus les mêmes seuils de rentabilité. Et puis le fait de symboliquement être sous la barre des 10 euros, ça fait aussi partie d'un engagement politique. C'est peut-être un peu fort, mais d'avoir un engagement culturel. Enfin, essayer d'être en phase avec la réalité culturelle. Oui. Ça coûte cher de mettre 10 balles dans un disque, alors que parfois on a d'autres contraintes dans la vie. Alors qu'on peut tout pirater, mais après c'est bon d'avoir aussi l'objet. C'est sympa, quoi. Voilà. Puis il y a la qualité aussi d'un CD. Bon, bref. Ouais, je pense que c'était une bonne idée. En fait, la réflexion que moi je me faisais il y a quelques années en tant que directeur de label, c'est aussi de se dire quel est le rôle du CD aujourd'hui. Quel est vraiment le rôle du CD? Effectivement, tu remontes il y a 10-15 ans, 2005, le premier album de Beltuner, je te dis, on l'a vendu à plus de 70 000 exemplaires. Parce que le CD, c'était vraiment quelque chose de central dans la diffusion de la musique. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et souvent, pour rigoler ou pour énerver certains artistes ou collègues, je leur dis, quelque part, le CD aujourd'hui, c'est devenu un peu comme l'affiche. C'est un moyen de communication dont on a absolument besoin. Mais c'est pas forcément quelque chose qui va rester à tout prix. Et tu vas à un concert, alors parfois on te file les affiches, mais parfois on te les fait payer 1 euro, etc. T'es content, tu rentres avec ton affiche. L'idée du CD, c'est un peu ce truc-là. C'est-à-dire que le CD, ça reste quelque chose d'incontournable. En plus, en tant qu'artiste, on pense la musique CD, c'est-à-dire on construit un album avec 10 titres ou 25 comme le deuxième album de Beltuner. Mais bon, c'est une construction. On produit de la musique pour ça. C'est pas juste faire un single, un 2 titres, etc. C'est vraiment un engagement. Et puis comme l'expliquait très bien Joanne tout à l'heure, c'est raconter quelque chose à travers 10 titres. ou 8 titres ou 12 titres, peu importe, t'as le temps de raconter quelque chose, t'as le temps de poser une ambiance, poser un décor, etc. Et ça, c'est vraiment important. Donc, si on veut garder ce format, qui est un format qui, je trouve, assez juste dans les musiques actuelles, dans les musiques contemporaines, bah, il faut pouvoir le faire exister. Donc, le rendre pas trop cher pour que ça, tout le monde profite de ce format. Mais aussi, bon, on peut pas le donner parce que ça a quand même un coût, hein. C'est pas gratuit de faire un album, de le faire masteriser, de le faire mixer, etc. De faire le graphisme et, enfin, voilà, il y a des frais un peu partout. Voilà, essayer de trouver un équilibre qui soit plus en phase avec la réalité de 2019, par exemple. S'il n'y avait qu'un mot pour définir la musique très diversifiée et de belle tuneur, ça serait Kiff, du nom du titre issu sur l'album 2. Kiff, c'est un morceau du groupe Belle Tuner, c'est extrait de l'album 2, paru il y a 11 ans, en 2008. Et vous avez entendu, c'est assez rare hein, sur les albums de Belle Tuner, on n'a pas encore défini la musique que vous faites. Bon, les gens commencent à s'en apercevoir en écoutant quelques morceaux. C'est rare qu'il y ait du chant, là c'est le cas. Mustapha Messaoud Bounebo, qui est au chant et à la mandole. Bah sur cet album 2, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, hein. C'était essentiellement enregistré à ce festival Les Nuits de Nacre. Mais sauf justement les deux titres avec du chant. Souvent, on en discutait pendant que tu passais le titre, on en discutait avec Johan. Et les deux titres, donc Kiff et puis Les Violons de Guingois, de mémoire. C'est les deux titres avec des invités au chant, donc eux ont été enregistrés à différents endroits. Donc Mustapha, c'était dans le sud de la France. Oui, à Saint-Julien-Molin-Molette, c'est au sud de Saint-Étienne. Et par quelqu'un d'autre, en fait. Moi, j'avais pas fait les enregistrements, je les ai mixés, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a enregistré. Et pareil pour Les Violons de Guingois, qui ont été enregistrés à la Villa Médicis. Oui, sur cet album, il y a eu trois, quatre lieux d'enregistrement dans la France. C'est au cours de nos tournées. On tombait sur un lieu d'un coup, on avait le coup de cœur parce que ça sonnait, il y avait une sonorité. Nico, la pièce maîtresse, c'est lui qui sentait le truc, il me disait, enfin, on était tous d'accord, mais voilà, on flashait sur le décor, l'accueil, les gens, l'énergie, tout ça en fait, c'est un tout, hein. Et du coup, on s'est dit, ah ouais, il faut qu'on enregistre une ou deux chansons là, un ou deux morceaux. On s'est organisé, et voilà, ils ont été enregistrés comme ça. Vous parliez du nom tout à l'heure, Beltuner. D'ailleurs, on dit Beltuner ou Beltuner comme on veut. Bah oui. Et alors, ce nom, par qui a-t-il été trouvé? Est-ce que, en tout cas, comment est-il né? Est-ce que c'était difficile? Avez-vous galéré? Y avait-il d'autres noms en compétition avec celui-ci? Non, ben oui. Bon, j'ai pas galéré puisque en fait, ça vient de la marque de mon accordéon. Beltuna. Beltuna, voilà, je suis sponsorisé par la marque en Italie. Et donc, Beltuna, après Beltuner, c'est vrai, avec Nico, on se dit tuner, bel, tuner, à beauté du son, ou je sais pas quoi, ou un truc comme ça, on s'est dit pourquoi pas après. Higelin, il me disait plus belle tuner, plus belle tumeur. Eh bien, puisque ça fait partie de ceux que tu as côtoyés, oui, hein, oui. Jacques Higelin, bon, on en reparlera tout à l'heure un petit peu de justement vos mondes parallèles, en tout cas, bien sûr. Et quand vous vous retrouvez, Michael, Pascal, Bertrand et Johan, les deux sont présents. Mais bien sûr, à côté, vous avez plein de projets en parallèle. On dit solo, en tout cas, vous n'êtes pas avec vos copains de Beltuner, mais vous n'êtes pas en solo puisque vous accompagnez ou vous faites avec d'autres, bien évidemment. La musique, alors, vous la définiriez comment, votre musique? Instrumentale? Alors, pas que, mais en grande partie, hein. En grande partie, elle est instrumentale. Après, à chaque fois, les morceaux chantés, c'est des clins d'œil. Enfin, Johan est quelqu'un de très sensible à la voix, à la mélo, à la chanson. Merci, bébé. J'en pleure. Merci pour les mouchoirs, Ramones. Michael, j'ai vu Ramones, t'as un t-shirt avec Ramones, t'es tatoué de partout. T'es violent, toi, comme mec. Je suis pas punk. Donc, ouais, il y a toujours eu ce clin d'œil à la chanson. Voilà, donc il y a un titre ou deux titres selon les albums, avec du chant. Mais voilà, la musique de Beltuner, elle est instrumentale. Hein. Quand on est sur scène, je sais même pas s'il y a eu des concerts de Beltuner avec du chant. Non, pas vraiment. Je crois pas, non. Oui. Des fois un peu, on a des invités ou de passage, des amis ou qui vont venir chanter un morceau comme ça, mais c'est vrai que c'est pas spécialement voué. Un show de Beltuner, c'est un show du début à la fin. C'est instrumental, mais il se passe plein de choses. C'est beaucoup, finalement, il y a beaucoup d'images. Souvent, on m'a dit, beaucoup de personnes, m'ont dit que ça leur faisait penser à de la musique de film, que c'était beaucoup imaginaire, de la musique de cinéma. Alors on dit, vous faites pas de la musique de cinéma comme ça, tout ça? Ben si, pourquoi pas, nous on attend les demandes, hein, on est ouvert à tout, évidemment. Toi t'as même fait du cinéma, mais on en reparlera plus tard. Ouais, t'en as fait du cinéma, bien sûr. comme acteur, hein, pas encore musicien. Maintenant un film qui va sortir l'année prochaine, on verra, allez, en toute fin. Par rapport donc à cette musique, il y a d'autres éléments qui pour vous sont très spécifiques de Beltuner. On en a dit quelques-uns depuis le début. Par exemple, liberté, ça on l'a bien compris, hein, le côté vivant. C'est pour ça que vous avez besoin d'être en condition avec du public. Humain, beaucoup, la sensibilité. Quelle improvisation, je pense que c'est. L'improvisation, surtout, oui. C'est ça, on peut dire que vous faites de... Alors, on dit jazz, musique improvisée. Oui, voilà, alors... Parce qu'il faut mettre des étiquettes. Moi, ce que je réponds à chaque fois, souvent, c'est... Bah, quand t'es musicien, c'est pas ton rôle de mettre une étiquette sur ta musique, c'est le rôle des journalistes. Chacun définit, mais c'est vrai qu'au moment où on conçoit un morceau, on travaille sur la composition en tant que telle, on n'a pas une idée préconçue de « Oh, on va faire un morceau de art funk fusion, tendance... » Là, c'est vrai que moi, ça... Enfin non, c'est vrai que ça pète un peu les couilles là, parce que récemment, j'entends à chaque fois, on nous présente, enfin, mais ça c'est l'image qu'on a laissée depuis toutes ces années, mais on nous dit Beltuner, c'est un groupe, quel style, swing manouche. Mais non, on joue plus, on n'en a jamais vraiment joué, si au début tout ça, mais bon, moi j'ai pas la prétention du tout de jouer du jazz manouche. Alors je rencontre de très grands guitaristes avec qui je joue, eux qui sont vraiment dans le pur style. Mais voilà, c'est vrai que le groupe a beaucoup évolué, a très rapidement évolué. Alors on est influencé parce que oui, moi après le Musette, je suis parti en Alsace. Ça a été une révélation pour moi d'entendre l'accordéon qui se jouait d'une autre façon que le musette, le zigan, le swing. Et là, bon, voilà, je suis tombé accro. J'ai joué, j'en ai bouffé aussi. Et puis, petit à petit, après, ça a évolué. Et ce qui est intéressant aussi dans Promis, c'est que moi, je voulais, comme je le dis souvent, pour une fois, justement, où je voulais pas imposer tout le temps ma façon de voir ou mes morceaux, toujours un peu comme ça, moi qui joue, qui donne, qui a lâché, à pas me préserver, à pas un peu gérer mon énergie et à toujours tirer les gars, tout ça. C'est pour ça quand j'entends Johan Rich et son groupe, non, c'est pas mon groupe, Beltuner, c'est nous quatre. Après, nous quatre, on a des choses différentes. Mais c'est là maintenant, c'est vrai que Beltuner, il a pris une proportion où dans cet album Promis, chacun de nous a un univers bien distinct et différent. On a tous des parcours différents. Et ce qui est super intéressant, c'est que on a fait un peu une cuisine en mélangeant nos ingrédients, nos influences. Voilà, puisque Bertrand il sort, tout le monde a Bertrand il fait pas du manouche à la base, voilà, il est plus jazz, fusion, rock, tout ça. Pascal il a son répertoire de chansons, il a son groupe Accordé à Cri, il a plein de choses, du swing, la chanson française, il chante, c'est un excellent chanteur, c'est un musicien qui a un panel énorme. Michael il sort et lui il joue, il est batteur mais reggae plus, donc voilà. Et le fait que chacun a apporté sa pierre à l'édifice et chacun a sa composition aussi. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est aussi que chaque musicien qui compose un morceau, il fait sa direction musicale. C'est pas moi qui dirige les gars. Faut pas penser ça. C'est les gars, ils disent voilà, moi, mon morceau, il est comme ça, j'aimerais bien que tu joues ça. Alors on me dirige, chacun drive. Et ça, c'est un bonheur, c'est super intéressant. Parce que on sent vraiment une osmose, une symbiose entre nous quatre. Et ça, c'est important aussi de le dire. Que c'est un travail de quatre. Et c'est vrai que c'est génial d'être 3, 4, 5, 6, 10, 20 dans un groupe, mais il faut marcher et il faut voir dans le même sens. Et ça, c'est le plus important. Vous venez d'entendre Johan Rich, accordéoniste du groupe Beltuner. Il y a également présent dans le studio Radio Gemozo Bertrand Allôme, bassiste de ce même groupe, réalisateur des albums. Michael Correa, le batteur dont vient de parler Johan, n'est pas là, mais il nous écoute certainement. Il sera en concert avec le groupe Beltuner. Ça sera ce soir à la Jéromoise à 20h. Demain, au Copain d'abord, c'est à Jérôme aussi à 20h. Et vendredi... Non, demain, c'est à 18h30, 19h. Ah, c'est pour apéro-concert chez au Copa d'abord. Voilà. À Gérard Armé toujours, et puis vendredi... Et c'est vendredi la grosse fiesta chez Rudy pour son anniversaire, pour ses 40 ans. Ben, bon anniversaire Rudy, si tu nous écoutes. Et Pascal Muller, qui est le quatrième larron, le guitariste du groupe, et tu le disais, il a plein de choses. Vous pouvez taper individuellement les noms de ces artistes et vous verrez bien chacun leur projet, que ce soit en solo ou avec d'autres. Oui. Et oui, tu le disais, Pascal chante entre autres. Bien sûr, ben, chacun fait fait plein de choses aussi et à des choses parallèles. Oui, voilà. Et ça devient Beltunaire avec tout ce que. Voilà. Alors, on s'investit, mais c'est sûr que c'est facile. Mais après, accepter 30 projets à la fois, il y a des musiciens qui en sont capables. Moi, non, parce que déjà, apprendre un répertoire, c'est une chose. Apprendre 40 morceaux, c'est sympa. Mais après, s'investir dans un groupe, c'est autre chose. Et quand un mec il me dit moi je joue dans 7-8 groupes différents, ben ouais, ben je me dis ouais, à part rentrer de la thune, tu t'investis comment ou tout, enfin ça demande tellement d'énergie. Alors c'est vrai que on est d'accord nous quatre que on a un petit côté quand même, il y a quand même priorité un peu à Beltunaire, enfin on a envie d'y croire, on y croit et je pense qu'on voilà, c'est pas pour rien que ça fait, ça va bientôt faire 20 ans qu'on existe. Beltunaire, vous pouvez le retrouver, ce groupe. Ah, une petite parenthèse à mon petit cousin Noël Voirin, Nono. Salut, Nono. Si tu nous écoutes, dans le studio il y a 3 ans. On t'a à l'œil, hein, t'inquiète pas, moi je te surveille. Alors voilà, si tu veux une fessée, ce sera ce soir. Aquarelliste de talent, Nono. Bah ouais, on l'a bah pu ouais. voir à Saint-Étienne, à la Galerie des Artistes. Où ah oui, février il a exposé. Bah oui, ah bah super, bah voilà. Depuis... Il est timide, hein, mais faut pas avoir peur de le. De le décoincer. Bon, il a l'air de bien se débrouiller quand même en public. Je voyais des gens qui discutaient avec. Hein, quand il s'agit de partager son art, ça va tout de suite. Ah, et puis c'est un mec formidable. Voilà, c'est tout. On peut là aussi le trouver. Alors, il expose quelquefois, sinon sur Internet. Donc, on tape. On peut le trouver. On va sonner chez lui au-dessus du bar des sports du Toli. Et puis voilà, il habite là. Hein, pas besoin de chercher 36. C'est Voirin, Noël Voirin. Noël Voirin. On va écouter un extrait. Et cette fois, on y arrive au nouvel album de Beltunaire qui sort ce vendredi. Il s'appelle Promis. Là, on en est au 3. On va écouter, au 3 qui s'appelle tout simplement Beltunaire 1, Beltunaire 2. Vous êtes voilà, arrêté là. Qui a été enregistré avec Jérémy Torgeman au violon. Et on écoute un morceau qui, pour moi, est un morceau emblématique de votre groupe. Oui. Quel est-il? De quoi, du troisième? Ouais. Amindigo. Bien évidemment. Ah. Amindigo. Ah, il est long celui-là. Ah merci. Bah voilà. Thank you. Âme Indigo, morceau de Belle Tuner présent sur le troisième album. Tout simplement, c'est le titre de l'album paru en 2012. Vous pouvez acheter les albums de ce groupe. Belle Tuner, bah vous tapez BELTUNER dans votre moteur de recherche. Si vous voulez tomber directement sur le site, vous pouvez simplement préciser .fr. Il n'y a même pas besoin de mettre les 3 W. BELTUNER.fr et on tombe sur le site. Là, on peut acheter les albums en numérique déjà et puis pour deux, trois d'entre eux en format matérialisé aussi. La galette, puisque tu le disais, Johan Rich, l'accordéoniste, compositeur du groupe, est présent avec Bertrand Allôme, réalisateur et bassiste, compositeur également, on peut le dire. Et voilà, donc ces albums sur le site. Et puis le troisième album, on retrouve cette personne très importante aussi, on ne l'a pas encore citée, la plantureuse Madame Belle Tuner, sur le visuel, oui. Puisque les deux premiers albums à chaque fois, et donc c'est le cas pour le troisième aussi, mais pas pour Promis, celui qui sortira vendredi, là on a changé, enfin d'univers en tout cas, il n'y a plus cette personne, Madame Belle Tuner, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qui est l'illustrateur ou illustratrice de ce personnage? Bah, c'est une personne tout d'abord qui a existé, Madame Belle Tuner, elle s'appelait Marie-Louise, elle habitait dans le 10e arrondissement, moi quand, au début quand je suis arrivé à Paris c'était le quartier où je jouais tout le temps, au canal Saint-Martin, et dans la rue Marie-Louise il y avait un café qui s'appelait chez Marie-Louise, et c'était une dame comme ça, assez forte, bonne vivante, mariée 9 fois, elle connaissait toute la mafia parisienne, enfin, elle avait beaucoup de bagages dans sa valise. Beaucoup de dossiers. Du dossier, elle tenait un petit bar, super sympa, en formica, elle nous faisait des frites et tout, et j'ai des souvenirs mémorables chez elle d'avoir un peu commencé à faire mes premiers bistrots. Une terrasse, j'ai d'ailleurs un record de fête de la musique où j'ai joué 14 heures non-stop chez elle devant sa terrasse pour un jour pour la fête de la musique avec Arnaud Soidet et un violoniste. Voilà. Les débuts, donc beaucoup de souvenirs, beaucoup de vie, d'amour, d'humanité, de partage, tout ce qu'on a besoin dans la vie actuelle. Alors, sachez juste une petite parenthèse parce que pour ceux qui nous écoutent sur Radio Gemozo 107 FM, Michael, que vous arrivez peut-être pas à mettre une tête devant lui, mais je veux juste faire une dédicace parce que moi je trouve que c'est un gars déjà qui nous accueille, très humain, super sympa, et surtout qui bosse ses dossiers parce que ça fait toujours plaisir. C'est ce qu'on se disait avec Bertrand là, que ça fait plaisir. On a l'impression que tu nous connais. Alors certes tu nous suis, mais moi je sais que tu bosses bien tes dossiers, t'es un malade, t'es un passionné aussi de boulot, de musique, et je trouve ça super sympa que tu fasses ce travail-là, c'est la classe, ouais, c'est un vrai boulot engagé et pro. Alors, merci à toi de bosser les dossiers comme ça, pour les invités. Ah, merci à vous, heureusement qu'on ne me voit pas, puisque je suis rouge comme les pochettes des albums de Belle Tuner, en tout cas les trois premiers à dominante rouge, avec cette madame. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Elle a existé, tu l'as dit, alors, tu as voulu que ce soit le visuel des trois premiers albums. Oui, alors il se trouve que juxtaposé à ce bar, il y avait un atelier. On a rencontré une peintre, artiste, Natacha, qui se fait appeler Nanat Panam, et qui fait des tableaux comme ça, représentant plein de personnages comme ça, avec des formes, des courbes, des rondeurs, des belles formes, quelque chose d'appétissant, de gourmand, de sensuel. Et c'est Nico, évidemment, encore Nico, notre Nico, qui a eu l'idée. Il a dit, ah, ce serait bien, j'imaginerais bien ça, une grosse dame comme ça, ça pète avec du rouge Belle Tuner, du rouge sang comme ça, un truc un peu provo, mais pas l'histoire de mettre un peu nos photos ou tout ça, on savait pas trop. Et puis finalement, c'est devenu un peu le sigle, et puis l'affiche, elle se repérait. De même que les gens, même, il y a beaucoup de monde sur Paris qui connaît Belle Tuner, que de l'affiche, mais en fait, qui n'ont jamais entendu ou rien. Il dit, ah oui, j'ai déjà vu l'affiche. Voilà. Ah oui, c'est la grosse dame, là, à poil, là, qui monte sa culotte, à Walpé, en soutif et tout. Puis on s'est dit, bah, allez, alors le deuxième album, on s'est dit, on va mettre deux dames. Et puis le troisième, on va en mettre une qui se tourne, qui nous regarde avec son petit œil coquin, puis qui enlève sa culotte. La culotte de Beltunère. Mais nous ne voyons pas ses seins, puisqu'elle est dedans. Exactement. Il faut laisser un petit peu de, hein, d'érotisme. De croustillant. Et c'est marrant parce que là, les mots que tu as employés pour évoquer Madame Beltunère, j'ai envie de dire qu'ils pourraient être évoqués tout autant pour parler de votre musique. C'est là qu'on voit que c'est raccord, le visuel, est ce que vous proposez musicalement. C'est vrai. Ben oui, pas se fier aux apparences, pas se fier à... Voilà, on connaît jamais assez les gens. Pas avoir de préjugés, de jugements. En tout cas, c'est vrai que quand on a trop de prétentions dans la vie, eh ben c'est la vie qui se charge de nous calmer. Je pense qu'on peut lui faire confiance à la vie. Elle manque pas d'imagination pour nous faire des virolos ou des 180 degrés des fois. On va parler maintenant de l'album Promis qui sortira ce vendredi, dans deux jours, vendredi 12 avril. Et le lien entre tout ce qu'on vient d'évoquer et puis cet album, bah déjà, c'est Nicolas. Donc ça sera, puisque vous lui rendez hommage sur l'album. Bah, ce que je propose, avant d'en parler, celui qui était à l'origine de ce groupe, qui était contrebassiste. Oui. On va écouter l'album, enfin donc l'album Promis et le titre qui s'appelle Tikini Change, puisque c'est un hommage à Nico. Oui. C'est un titre qu'il avait composé, c'est une qui composition. Était sur le premier album. Tout à fait. C'est lui qui l'a composé, oui. On écoute le réarrangement, en tout cas votre version de ce titre de Nicolas. Alors, j'ose pas dire le nom puisque je ne sais pas si on prononce le S. Oui, je ne sais pas trop, Tikini Change ou je ne sais pas. Ah, je voulais dire Nicolas par contre. Nicolas Potras. Oh, okay, Nicolas Potras. D'accord. Ah, bon, on ne prononce pas le S, on m'a déjà rectifié avant. Moi, je disais aussi comme Bertrand, mais c'est vrai. Et juste pour une petite parenthèse, c'est vrai que ce morceau-là, à ma grande peine, Nico, il l'avait sorti, on avait essayé un peu de la jouer, mais elle était un peu compliquée, et j'ai jamais réussi vraiment à la jouer, on l'a jamais jouée ensemble, je lui ai toujours promis que je la jouerais, un de ces quatre que je m'y mettrais, qu'on s'y attellerait, parce que y a beaucoup d'accords, enfin voilà, Nico, il chiadait ses trucs, et c'est vrai que, on n'a jamais pu la jouer, mais voilà, là maintenant, on la joue. Et ben, j'espère qu'il nous regarde et qu'il l'entend et qu'il doit bien se marrer. Thank you. Tikini Change par Beltuner, c'est sur le nouvel album de ce groupe. Il paraîtra ce vendredi 12 avril. Vous pourrez l'obtenir peut-être en allant les voir en concert, que ce soit ce soir. Nous sommes le mercredi 10 avril, c'est en direct sur Radio Gémozo à la Jéromoise, qui est à Gérardmer. Alors c'est à partir de 20h. Et c'est demain. 20h. Ce soir, demain, copain d'abord, 18h30. Et puis vendredi à Vanier, les Staminets. Voilà, 20h30. Et là, à ce moment-là, c'est l'idéal pour vous acheter l'album, puisque en plus, on peut échanger. On les a depuis ce matin. C'est le premier, après mes parents, à l'avoir. Voilà, tu l'as entre les mains, là. Donc, faut en profiter. C'est sûr qu'après, on est à Paris. Bon, c'est sûr, vous pouvez le précommander. Là, vous le recevez 4 jours à partir de vendredi. Faut compter 4 jours. Puisqu'il est envoyé à partir de la sortie officielle, c'est vendredi. On peut à présent d'ores et déjà l'écouter sur www.beltuner.fr. C'est toi qui m'as dit que les titres étaient déjà en écoute. Bah oui, puisque je l'avais déjà entendu, moi, tout l'album plusieurs fois depuis hier. Et j'ai pris un grand plaisir à ces écoutes. Et tu le disais, la précommande, en plus, pour 9 euros, vous rendez compte, 9 euros. Vous allez sur beltuner.fr, vous pouvez aller sur la page Facebook de Beltuner, Beltuner, et puis après vous êtes... Sinon, vous venez nous voir en concert, et puis en plus, on vous fait une griffe et on vous donne une affiche. Et on échange avec vous. On échange. Ça n'a pas de prix. Ça, discuter avec les musiciens, d'en savoir un peu plus, même si tout ne doit pas être dit. Après, c'est l'écoute, les sensations qu'on a par rapport à ces écoutes, c'est très personnel, mais c'est bien quand même de connaître un peu l'histoire des morceaux parfois. Oui, et puis quand même, en général, on est sans filtre. Hein. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Hein. On n'est pas des lèche-boules. Et d'autant plus, quand on parle de ce qui se cache derrière certains morceaux, cet hommage, vous avez entendu, Tikini Change, qui est un morceau composé par Nicolas Potra, contrebassiste du groupe Beltuner, décédé il y a 2 ans. Et voilà, ses potes du groupe, Michael Correa, le batteur, ses amis. Bertrand, les amis Johan, ici présents, lui rendre hommage en reprenant ce morceau à leur façon. Non, je dis ça parce que j'ai vu un article dans Gérardmer Info. Bon, c'est sympa. Je remercie d'ailleurs les journalistes qu'on fait ce travail parce que c'est super sympa. Et puis voilà, ils ont bien senti le truc. Juste, c'est vrai que quand j'ai lu Johan Rich et ses potes, c'est vrai que c'est loin d'être mes potes parce que c'est mes amis chers, c'est un peu ma famille. Nico, c'est mon frérot. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, qu'on joue ensemble, qu'on vit ensemble, donc c'est sûr, c'est très très très loin d'être des potes, des petits potes, potes. Hein. Voilà. Bon, c'était ma petite remarque. Comme ça, il y a 2-3 trucs comme ça, mais on ne dépend pas de ce qu'écrivent des fois les journalistes, hein, c'est sûr. C'est pour ça qu'on préfère à Radio Gémozo que vous veniez parler, comme ça nous on se fait porte-parole de rien, c'est vous qui dites, si vous dites des bêtises, c'est vous, c'est pas moi. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas bien. De bêtises, chacun dit ce qu'il a envie, ce qu'il ressent, surtout ce qu'il pense, le temps que ce n'est pas intolérant et que ça ne vient pas salir bien d'autres sûr, gratuitement. Exactement. On parle de cet album Promis de Beltuner qui sortira vendredi. Vous avez entendu un morceau à l'instant. Vous en entendrez encore quelques-uns d'ici à la fin de cette émission, mais pas tous, hein, puisque vous. Et tu pourras en mettre un ou deux un peu plus rock, justement. Ah ben oui, parce on va que rentrer ça, dans le tas. L'évolution. Alors l'évolution, le côté entendu, électrique. Ouais, on a entendu des extraits jusqu'à présent des 3 premiers albums, hormis celui-ci. Et on a pu voir, finalement, ça peut tenir en 2 mots, acoustique, électrique. En tout cas, maintenant, c'est plus électrique sur l'album Promis. Ah oui, c'est forcément plus électrique que par le passé. En fait, le line-up, comme on dit, de Beltuner a évolué entre 2012, donc le troisième album, et maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le laps de temps, le violoniste Jeremy Torgman avait quitté le groupe et puis il avait été remplacé par Michael Correa, donc ils ont remplacé le violon par la batterie. Donc tout de suite, ça a amené une autre dimension, ça permet de retrouver quelque chose de très péchu qui va bien à Beltuner. Et puis après, comme tu le rappelais il y a pas longtemps, il y a eu le décès de Nico. Il fallait au début on se posait la question tout simplement si le groupe allait continuer ou pas. Oui, c'est ça, tout le monde était dévasté. Et puis c'était Nico, et c'était la tour, la centrale, C'est lui qui gérait tout dans Beltuner. Moi, j'avais la bonne part des choses. Je composais les morceaux. Enfin, voilà, un peu la tête en l'air. Mais lui, il était loin de... Il fallait assurer tout le boulot, toute la com, tout. Il bossait aussi en binôme avec Bertrand, puisque ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît. Bertrand, c'est le cinquième maillon de Beltuner qu'on ne voyait pas sur scène, mais qui était là pour... réaliser les albums. Réaliser, enregistrer, tout, évidemment. Et pour moi, c'était hors de question de remplacer Nicolas par un contrebassiste lambda, même si il était excellent et tout ça, parce que c'était trop dur. Le deuil n'était pas fait, il fallait beaucoup de temps. Et puis à un moment donné, bon, je me suis dit voilà, Nico, on était tous conscients que évidemment il était là, il n'avait pas fait ça pour rien et que ça aurait été dommage d'arrêter là. Alors aussi pour lui, d'où aussi le titre, la promesse aussi par rapport à Nicolas. Promis, t'inquiète, on continue l'aventure, on avance. Promis, dans promis aussi, il y a beaucoup d'espoir. Il y a de la nostalgie, c'est pas totalement, mais j'aimais bien le titre, j'aimais bien ce mot. Et en fait, qu'est-ce que je te disais, ça y est, je me perds. Ah, on parlait du côté électrique maintenant. Mais avant, ce que tu dis, c'est qu'avant, c'était toute l'évolution du line-up entre 2012 et ouais. Nicolas. Ouais. Et maintenant, il était hors de question de remplacer Nicolas, en tout cas par un contrebassiste, comme tu disais. Ah oui, alors voilà. Donc du coup, s'il y avait bien une personne s'il y avait bien une personne qui nous connaissait déjà d'une part, parce qu'on est tous un peu, voilà, on est tous des personnages, pas toujours facile, tout, enfin voilà, qui connaissent l'esprit de Beltuner, qui connaissent notre son, ce qu'on voulait, et qui aussi a entendu nos morceaux, parce qu'on a beaucoup de morceaux à la longue avec les années. Et puis on reprend des anciens, et puis des fois, enfin, ça bouge tout le temps, enfin voilà. Et j'en ai parlé au gars, à Pascal, puisque Pascal, il est là depuis le début avec Nicolas, c'est tous Pascal les trois. Muller. Pascal Muller, pardon, oui. Et puis, j'ai dit, ben voilà, qu'est-ce t'en penses, s'il y a bien une personne qui pourrait... Alors, en sachant que Bertrand, je savais qu'on savait depuis tout ce temps qu'il est bassiste, mais bassiste électrique, enfin, à la base, il fait de la contrebasse aussi. Et puis... je me suis dit, bon, on essaye. J'en ai parlé à Bertrand parce que c'est des positions délicates et, enfin, voilà. Et Bertrand, il me dit, mais moi, j'ai pas la prétention de venir remplacer Nico tout. C'était pas du tout ça, mais déjà, un peu essayé, quoi. Alors, j'ai dit, OK, bon, ben, ça te dit. Il me dit, bon, ben, samedi, je veux bien essayer. Essayons déjà. Ne prévoyons rien. Alors, je lui ai dit, eh ben, il y a 180 morceaux à prendre, déjà. Plus trois albums, plus machin, tout. Donc, tu veux commencer par quoi? Tu veux jouer quoi? Ah, c'est vrai. Alors, on en a pris déjà 40. J'ai dit, on va pas en prendre trop non plus. 40, c'est déjà pas mal. Bon, allez, 40 dans la tête. Et puis, en fait, moi, je sais par sa femme, parce que je la connais, sa femme, Bertrand. Elle m'a dit qu'il avait bossé comme un acharné, qu'il avait grave bossé, et puis que voilà, quoi, faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est ça aussi l'investissement. Mais l'avantage aussi, c'est que Bertrand, de les avoir entendus en boucle, en studio, en montage, en son et tout, bon, il en connaissait, il les connaissait aussi, les anciens, tout ça. Et puis, on a répété chez moi, basse électrique, accordéon, comme ça, et puis reparti à zéro. Tout le répertoire, tout, et on a essayé, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, c'est que doucement, basse batterie, ça a collé aussi électriquement au niveau du son, parce que ça prenait certes une autre forme, mais l'esprit, comme je le dis toujours, l'esprit Beltuner est toujours là, on n'est pas désorienté. Il y a un peu plus de beats, forcément. Bertrand, tu nous donneras ton regard sur ton arrivée à la rythmique pour Beltuner, mais avant on va écouter un morceau. Moi, c'est celui que vous avez mis en avant, celui que j'ai entendu et tous ceux qui vous ont écouté l'ont entendu en premier. Desire's Way, le chemin du désir. Là aussi, j'ai l'impression que tout est dit. Et on va écouter. Enfin, moi, je me suis dit, waouh, c'est funky Beltuner là. Oui, funky. Et puis. Alors oui, là maintenant j'utilise des pédales. Je suis sponsorisé par Rock'n Fun Factory à Brest. Je le dis parce que ils valent le coup, c'est artisanal. C'est une boîte qui fait des pédales d'effet, voilà, à la commande, à partir de n'importe quelle boîte que vous voulez. Une boîte de sardines, n'importe où. Moi, j'ai pris une boîte de pâté NAF. Et puis voilà, j'ai une pédale. Alors voilà, j'ai quelques effets dessus. C'est ça, ça doit. Plus... Desire's Way par Belkiner. Desire's Way. We'll be right back. Desires Way, c'est extrait de l'album Promis de Beltunair qui sortira ce vendredi. Super. 12 avril, et vous avez peut-être reconnu le générique de cette émission. Tout à l'heure, j'ai pris un petit extrait de ce morceau. Ah, je crois qu'il n'y avait rien de mieux pour illustrer le Beltunair nouveau. Frais, sautillant. La cuvée 2019. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais dire, Bertrand, qui est bassiste, réalisateur de l'album du groupe Beltunair, et qui est aussi directeur de label, hein, puisque c'est paru sur le label Ici Label. Ou alors, oui, par rapport à ce que disait Joanne, toi, ton arrivée à la rythmique. Oui, non, juste une petite parenthèse, et directeur technique de chez Audio Technica, parce qu'on joue sur Audio Technica et voilà, on fait un petit peu de pub pour nos micros, nos casques et oui, tout. Oui, d'où les casques endorsés. Que vous avez là. Voilà. Moi je peux les voir, c'est magnifique. T'as vu, c'est des casques Bioman. Ah oui, de toutes les couleurs. La force bleue et force rouge. Ouais. Il manque force jaune et force rose. Voilà. Ah, ils sont chez eux, c'est Mickaël et Pascal, je ne sais pas lequel est le rose, ça c'est à voir, et lequel est le jaune. Oui, bah. Alors... Ouais, concernant l'arrivée, bah comme l'a rappelé Johan, moi ça représentait un truc un peu, bah il y avait deux choses. Effectivement, Johan m'avait appelé en me disant bah si il faut qu'on essaye, etc. Il dit j'ai fait une petite liste, il dit je me rappelle très bien, il dit voilà, il y a 167 morceaux plus les trois premiers albums. Bon, c'était, il y avait ça, et puis bon, après il y a l'autre truc qui était super délicat, c'est que quand Nico est décédé début janvier 2017, Johan m'a appelé en août 2017 pour me dire bon, ça serait bien qu'on relance le Beltunair, en plus tu rentrais de ta tournée avec Damien 16, voilà, envie de nouveau truc. On a commencé à en parler à ce moment-là, mais bon, c'était encore très très présent, donc moi je sais que c'était un peu compliqué dans ma tête à certains moments de dire bon, il faut remplacer Nico, enfin c'est voilà, c'est mon pote aussi, et ouais, voilà, il y avait la quantité de boulot d'un côté et puis le fait de remplacer un copain qui avait aucune raison de plus être là d'ailleurs, et donc c'était ouais, ça représentait pas mal de boulot, c'était une, mais en fait ce qui était super intéressant, on va dire qu'il y a une conjonction intéressante des choses, c'est que justement comme je viens de le dire, Johan rentrait de tournée avec Damien 16. Donc avec un répertoire un peu plus électrique aussi. Oui, et puis enfin des conditions, c'était du lourd, grosse machinerie, 8000 personnes tous les jours, tous les des Zénith, tous les soirs. Ouais, c'était lourd aussi. Des concerts aussi. De 4h30 et puis 60 morceaux à apprendre quand même pression quoi. Donc voilà quoi. Et c'est vrai un peu dans un second état parce que émotionnellement, je suis passé partout là, les montagnes russes, parce que d'un coup, voilà, de voir des gens avec des briquets comme ça, tout c'est beau. Il y a des fois, on chialait. Tu te demandais, t'as des montées comme ça, tu vois, tu sais pas de quoi, du ventre, ça remonte dans les boules et tu pleures. Et c'est la vallée des larmes. Et vas-y. Et puis j'étais ravagé. On était tous Beltunair ravagé par Nico. J'avais pas fait mon deuil. Alors quand je suis parti avec Damien, ben c'est sûr que je me suis dit c'est un bon moyen pour aussi moi évacuer, pour faire mon deuil. Je l'avais pas fait pour évacuer. Donc cette énergie, ce côté électrique, gros son et tout d'envoyer, ben voilà, c'était vraiment bienvenu en plus. Il a des morceaux très émotionnels, 16. Ah oui, ben en plus. Donc, qui peuvent... Moi j'ai découvert aussi, je connaissais pas vraiment. J'ai découvert le gaillard, le personnage, mais voilà, un sacré gaillard. Donc là, ça rejoint aussi ce qu'on disait au début, hein, finalement, chacun de votre côté, par vos projets, quand vous retrouvez pour Beltunair, comme sur cet album Promis, eh bien vous emmenez tout ce que vous avez fait avant, tu viens d'expliquer, Johan, et du coup ça donne ce son-là, cet album Promis. Ouais. C'est ça, donc moi j'arrivais avec mon bagage qui était très différent, moi je viens pas du tout, comme le rappelait Johan, du jazz manouche, du swing, etc. Moi, j'ai plus un passé de musicien. Enfin, j'ai commencé par le rock progressif, pour après aller vers le jazz fusion, jazz rock dans les années 90, pour après arriver des choses plus contemporaines avec une grosse affection pour tout ce qui est free jazz, etc. Musique improvisée, assez délurée et tout. Et là, d'ailleurs, ça a toujours été ma connexion avec Beltunair, parce que dès la première fois que j'ai entendu Beltunair, pour moi, il y avait des liens avec l'improvisation, le lâcher prise, tel qu'on le pratique dans le free jazz, qui était totalement évident. Donc, pour moi, c'était la connexion était assez simple de ce ce côté-là. Mais après, esthétiquement, oui, on était sur des choses un tout petit peu différentes. C'est aussi ce qui faisait la force de Beltuner et qui l'a fait toujours aujourd'hui avec des personnes un tout petit peu différentes. Mais voilà, on s'alimente les uns les autres. Quand on est en bagnole, voilà, je fais écouter à Joanne le dernier truc que j'ai découvert. Il me fait écouter le dernier truc qu'il a découvert. On échange beaucoup là-dessus. Donc moi, j'arrive avec mon bagage de bassiste électrique. Je suis vraiment bassiste électrique avant tout. Je suis pas du tout contrebassiste. Voilà. Enfin, je joue un peu de contrebasse, mais c'est surtout la basse électrique. Plus la basse électrique à 4, 5, 6 cordes selon les cas de figure. Donc voilà, c'est un univers assez différent, mais finalement qu'on a rapidement réussi à faire cohabiter, parce que en fait, encore une fois, pour moi, ce qui fait le corps de tout ça, c'est l'improvisation, c'est l'écoute pendant le jeu, et qu'on vienne du swing manouche ou du free jazz ou du jazz rock. L'improvisation, c'est la même pour tout le monde, c'est le même exercice pour tout le monde. Et l'improvisation, c'est créer un discours commun, créer une langue commune. Qui va nous aider à échanger pendant le morceau. Et ça s'affranchit pas mal des styles, finalement. On n'est pas, du coup, le fait qu'on ait des parcours stylistiques très différents, c'est vraiment pas un souci, c'est vraiment le... Au contraire, c'est la richesse de Beltuner. Au contraire, c'est la richesse, ouais, voilà. Et du coup, les moments d'improvisation, les moments d'écoute, les moments de... Il y a même des moments qui sont quasi des moments de transe dans Beltuner. Bon, ben voilà, ça s'alimente très très bien avec tous ces parcours différents. Dans les nouveautés sur cet album, déjà le visuel, puisque tout à l'heure je parlais de Madame Beltuner présente sur la pochette des trois précédents albums. Là, c'est plus le cas. Là, c'est une photo de vous quatre. Ouais. C'est un choix. Oui. Bah, il y avait une volonté de la part de Joanne de changer. Oui, j'avais envie un peu de changer pour marquer aussi, on tourne une page aussi un peu. J'avais envie de changer qu'on nous voit. On était parti sur une super photo où, dans un endroit où on joue tous les deuxièmes dimanches de chaque mois au Lou Pascalou dans le 20e arrondissement à Ménilmontant. Ça fait 10 ans qu'on joue là-bas. C'est votre QG. C'est notre QG dans une ruelle taguée. Voilà, on s'est pris tous les quatre. Et puis après, moi j'aimais bien la photo, Bébert aussi, tout le monde. Puis après, en y discutant plus, Bertrand, il m'a dit, écoute, ça fait un peu bizarre tous les quatre là, parce que, enfin, on voit pas ce qu'on joue, alors on pourrait être très bien un groupe alternatif de je sais pas quoi, tout ça. Il me dit, il faudrait quand même mettre en évidence un peu l'accordéon, puisque l'accordéon un peu plus moderne, il y a ce côté-là, tout ça. Alors il me dit, je te verrais bien quand même, voilà. Bon, voilà, c'est parti de là, on a fait, il y a eu un travail de montage. Graphisme. Voilà, on a gardé ça. Dans les nouveautés, il y a le chant. On le disait tout à l'heure, hein, vous êtes un groupe quand même instrumental, à part quelques fois, il y avait du chant, mais c'était par rapport à des reprises. Hein, comme Des rencontres. Les violons du Guingois, c'était une reprise, non? Non, c'est une composition. Ah, c'est une composition. C'était une composition, à moi. D'accord. Donc, bon, c'est assez rare. Là, il y a 2 sur les 10 titres. Puisque là aussi. Des rencontres des invités. Alors, c'est vrai que pour cet album-là, il y a 2 surprises. Je pense que c'est là que tu voulais en venir. Oui. Mais on a 2 surprises, 2 cerises sur le gâteau. Il y a Pascal, donc. Pascal Muller. Pascal Muller, guitariste qui a composé, À l'horizon, la ligne verte, c'est un titre, donc, avec paroles qu'il chante lui-même, et c'est super. Et le deuxième, c'est un morceau de Chloé Chaudois, qu'elle a écrite, que j'ai mis en musique. Le morceau, il s'appelle visiblement, il clôt l'album. Moi, j'avais déjà calé, justement, le morceau, comme on a pas mal parlé, bien sûr, de Pascal Muller, guitariste, auteur, compositeur, avec ce morceau sur l'album de Beltuner, qui s'appelle À l'horizon. Pas l'album, oui. Hein, le morceau. L'album, c'est promis. Voici, À l'horizon. À l'horizon, la ligne verte se dissipait, c'est déroutant. Les paysages et la planète se confondent en faux semblants. Le monde brume sonne l'alerte. On les sent bien les coups de vent. On tient ton souffle et crie la perte. Vous énervez assis devant. À l'horizon, il y a des poètes. qui tiennent les mains des passants. Seuls les filets découvertes, mélanger les différents. Si les mains sont grandes ouvertes et accueillent tous les sentiments, la poétique est une experte et mesure les tempéraments. C'est une fête de femmes et d'hommes déconcertants, de mains qui se prennent sans la tête et qui dessinent un autre temps. Enfin se chanter, rien n'arrête la mélodie, le mouvement. Celui qui propose une trêve porté par le rire des enfants, porté par le rire des enfants, porté par le rire des enfants, porté par le rire des enfants, porté par le rire des enfants, porté par le rire des enfants. Vous venez d'entendre Belle Tunère, c'est extrait du nouvel album à paraître ce vendredi 12 avril. C'est promis, le titre de l'album, promis, avec un point d'exclamation. Et Pascal Muller au chant. À l'horizon, hein. Oui, c'est ça, c'est un morceau qu'il a écrit. Oui, c'est une des surprises de l'album. Il y en a une deuxième aussi. Bon, c'est un bonheur aussi pour moi, parce que c'est un bonheur de pouvoir jouer avec sa compagne, Chloé Chaudois, comédienne également. Et on a enregistré, voilà, c'était super. Une voix pleine de sensibilité. Mais on l'écoutera aussi pour finir l'émission, oh, tout génial à l'heure. Mais oui. Ah ben merci, visiblement, c'est un super morceau. L'émission, avec ce morceau, cette chanson qui clôt l'album. Ça me fait bizarre de dire chanson quand je parle de Beltuner, parce que souvent ce sont des instrumentaux. Mais là, il y a deux chansons sur cet album Promis, qui contient 10 titres. C'est vrai que c'est rigolo, là aussi, l'évolution, hein, puisque au début, Beltuner, c'était 20, 25 morceaux sur les deux premiers albums. Et puis ensuite, tout simplement, ça y est, c'était moins, il y en a eu 8. Mais tu disais, hein, Johan, ce sont des morceaux qui condensés, durent 3, 2 minutes, dense, hein. Et puis énergiquement, long, oui. Et puis c'est, on vit, on mûrit, on vieillit, on prend de la maturité. Même si il y a toujours du lâcher prise, finalement, même si on a toujours été dans le lâcher prise avec Beltuner, ben malgré tout, avec le temps, ça se structure quand même un petit peu. Et ça, c'est le principe, je pense, de chacun, de la vie. On évolue et voilà, on apprend à s'économiser. C'est vrai qu'on joue plus 10 heures comme avant, non-stop, où on voyait pas le public. À la fin qu'on jouait, on voyait personne. Mais en fait, entre-temps, il y avait eu 500. Mais les gens, ils en avaient ras le cul, ils rentraient chez eux. Et puis voilà, on apprend à jouer un peu moins, mais à condenser et à se préserver aussi, parce que c'est dur. Avoir un accordéon de 15 kilos sur les épaules pendant des heures, ben ça fout en l'air. Le moteur, il est encore bon, mais la partie cycle, elle part un peu en chiasse. Donc, faut un peu huiler, faut aller chez l'ostéo, le kiné, les opérations, les trucs. Bon, ben voilà, on apprend un peu à se préserver. Et puis on joue toujours aussi de manière différente, évidemment, selon ça dépend aussi ce qu'on vit, les choses qu'on vit, et tout passe par là aussi. La musique, c'est un excellent moyen de transmettre ces vibrations. Et puis, il faut dire, Johan, ton habilleuse en avait marre avec ses chemises à essorer sans arrêt, toutes les chemises utilisées par Johan Rich à l'accordéon, c'est super physique. Bon, ça change pas, hein. Les t-shirts, tout. C'est vrai que, moi, je l'ai déjà dit, hein, sur cette antenne, il y a eu plein de musiciens talentueux dans ce studio, la musique est riche, mais le jour où tu es venu avec cet accordéon, tu m'as impressionné, c'était assez dingue, puisque je demande assez souvent aux musiciens, quand ils viennent avec leurs instruments, de les faire se présenter. Je dis, si l'instrument-là devait communiquer, comment il se présenterait à nous? Et Johan, il a fait quelque chose. Alors déjà, rien que sans jouer, juste avec le soufflet, j'avais l'impression que c'était un dragon, ton accordéon. Je l'entendais respirer. Allez, le souffle, c'est vrai. Il crachait presque des flammes. Oui, mais c'est ça. Et c'est vrai que là, récemment, dans un interview, Léa Océane de Nancy, enfin que j'ai eu il y a quelques jours, elle me demandait qu'est-ce que l'accordéon avait de plus par rapport aux autres instruments quand je joue avec. Qu'est-ce que je pourrais dire qu'il aurait de voilà. Eh ben, j'ai trouvé. Il y a ce côté-là. On a l'impression d'avoir un poumon, un deuxième poumon contre soi qui respire. Ouais, un troisième. Pardon, excuse-moi. C'est vrai que tu fumes beaucoup. Ouais, c'est vrai. J'en ai déjà deux en moins. Enfin, mais d'avoir un peu une autre personne contre soi. Et c'est ça, c'est charnel, un, ah, hein. Oh ben oui. Et puis, c'est un sentiment, quelque chose qui respire comme ça. Et ça, c'est vrai que, quand tu goûtes à cette sensation-là après, et je comprends aussi pourquoi plein de jeunes accordéonistes se remettent à l'accordéon et que l'accordéon, ça revient aussi. Parce que c'est ça aussi qu'il faut vivre. Et tout ça, c'est, ce que tu vis maintenant et depuis 36 ans. Ouais. C'est magnifique ce parcours. On va d'ailleurs en quelques phrases le dire. Parce que oui, quelques phrases. Tu as appris avec ton grand-père. J'ai appris avec mon grand-père René Rich, que beaucoup de Vosgiens connaissent. Et on l'appelait Poupon, parce qu'il avait les cheveux tout frisés. Voilà. Oui, à Bruyères, exactement. Et il tournait, il faisait les balles montées, il jouait beaucoup avec ses sœurs. Mes tantes aussi, qui étaient aussi profs d'accordéon, de violon, que sûrement beaucoup ont appris sûrement avec aussi. Et voilà, j'ai fait les balles, donc j'ai eu cette facilité à 7 ans de commencer tout de suite. Ça, j'ai pas choisi. Il m'a dit tu feras de l'accordéon comme ton papy et basta. C'était musette. Mais voilà, je faisais les balles avec lui vendredi, samedi, dimanche. On n'arrêtait pas à l'hôtel de la Grande Cascade. Chez Mimi, pour ceux qui connaissent. Puisque tu y étais il y a quelques heures. J'étais encore, voilà. Évidemment, c'est la maison, c'est tellement de souvenirs là-bas. J'ai joué tout petit, j'avais pas le permis, mon grand-père il me faisait conduire, j'avais la 106, lui à la fin un peu, il commençait un peu à être malade, même qu'il jouait, il avait l'appareil à oxygène encore dans les narines, j'installais tout le matos et tout, j'ai des souvenirs gravés comme ça, un peu douloureux mais tellement magique aussi, mais je me souviens aussi des engueulades quand je me gourais, quand je jouais pas ce qu'il fallait. Voilà, et après je suis parti donc en Alsace, dans l'Est. J'ai découvert le style Tzigane sous Manouche. Voilà, j'ai rencontré Tchavolo Schmitt, tous les copains, les frères Laurier, enfin plein un tas de monde. Et je me suis reconnu dans cette musique, en plus qui parlait, je pense, beaucoup avec l'âme, le cœur. Je dis pas que tous les autres musiques, mais voilà, j'ai eu un flash, un coup de foudre, un coup de cœur. Et donc je me suis mis un peu à jouer ça. Après, je suis parti. J'ai tourné un an sur un spectacle où j'ai appris beaucoup aussi avec des musiciens yiddish, où j'ai appris tout un peu, pas mal le répertoire traditionnel klezmer, de musique klezmer, magnifique, extra. Enfin, pareil, là, j'ai été bluffé. J'ai écouté des clarinettistes, des violonistes, enfin voilà. C'est la musique libre, on en revient quand on parle de musique. Finalement, l'essence de la musique, c'est cette musique improvisée. Oui, alors, c'est pas si improvisé que ça, parce que les thèmes, ils existent bien tout. Mais oui. Parce que il arrive un moment, on part sur le thème, on le joue, et après, on sort de la grille, on s'envole, en gardant, en respectant certaines choses, de la structure, le rythme, et puis voilà, on s'envole. Donc ça, et puis après, voilà, je suis monté à Paris, j'ai fait mon petit chemin. Au début, je voulais faire comme mon grand-père, c'était jouer dans les balles, et puis voilà, à échelle un peu régionale. Et puis après, quand j'ai grandi, mes envies, j'ai eu envie un peu d'aller voir ce qui se faisait ailleurs, et c'était pas un rêve, mais je me disais, ah, peut-être qu'un jour, j'arriverai peut-être à faire ma place à Paris, et j'arriverai peut-être à avoir un petit nom. Bon, j'ai mis 20 ans quand même pour un peu que les gens me connaissent de ci, de là. Et puis voilà, après beaucoup de rencontres, beaucoup de théâtre, puisque à la base, ma formation, j'étais connu plus en tant que compositeur dans le théâtre avec Michel Didim, Laurent Vacher, un tas de monde. La Mousson d'été qui est la rencontre des auteurs contemporains à l'abbaye des Prémontrés. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup, beaucoup de ça. Et puis par la suite, voilà, la vie, Ménilmontant, j'ai rencontré plein de gens formidables aussi, et puis ma rencontre avec Miossec, évidemment, pareil, magique. Hélas, ça a encore pris un autre virage, plus rock'n'roll. Lui, il a une grande culture musicale rock et tout, donc c'est sûr, j'ai appris beaucoup. Il me parlait de groupe, mais à chaque fois, je connaissais rien. C'est simple. Alors, bon, c'est normal. Je veux dire, moi, je connais les accordéonistes. Enfin, on a tous nos domaines. Mais en tout cas, et puis voilà, j'ai toujours été leader, plus ou moins, dans les groupes. Ben, facile, je jouais tout seul, donc j'étais leader. Non, mais avec Beltuner ou tout ça, tu vois. Et puis, voilà. Après, j'avais quand même l'expérience au théâtre de servir musicalement, ça c'est une autre approche, de servir les acteurs qui lisaient des textes. Quand tu les accompagnes, t'es en dentelle, t'es en dessous, t'es pas au premier plan. Donc j'avais cette expérience quand même, hein, j'arrivais pas non plus novice. Mais bon, voilà, quand t'arrives avec un chanteur, une grosse machinerie, ben voilà, là, c'est lui le boss, toi t'es pro, tu fais ton boulot, tu fais ce qu'on te dit, plus ou moins, on te donne la liberté. Christophe, il m'a toujours laissé la liberté et tout, et on a passé des moments formidables, exceptionnels, qui restent gravés, évidemment. Après, la suite, ça, on n'y peut rien. Des fois, la vie fait que, voilà, on se frotte un peu, on chauffe, et puis on a des caractères. Lui, c'est un sacré caractère bien trempé. Il est de Brest, moi, je suis des Vosges, donc on est opposés. Bon, on s'est bien rencontrés, et puis voilà. Et puis, après, voilà, j'ai changé de crèmerie, comme dirait l'autre. Et ben maintenant, avec Damien 16, c'est sûr que, bon, c'est totalement différent. Moi, ça me correspond, je dirais, pas mal, parce que c'est clair, franc, sans filtre, c'est direct. Et voilà, s'il a envie de me dire ce qu'il pense, ben il le dit direct, au moins, c'est clair. Et ça, j'aime bien. J'avoue. Quand j'ai appris il y a 2 ans que tu allais accompagner CES pour cette grosse tournée du Manifeste, le Manifeste Tour, et donc grosse tournée des Zénith, des grandes salles de France, et même au-delà, Luxembourg, Belgique, oui. En tout cas, voilà, les pays limitrophes. Et je me suis dit, mais c'est une évidence par les personnalités. Je me suis dit, mais c'est bien sûr deux oui. fortes personnalités comme ça. Alors c'est drôle, c'est grâce à la femme de Daniel Jamais, Karine. Celui qui a fait partie des fondateurs. Guitariste légendaire de Mano Negra, Mano Solo, Gaëtan Roussel, Louise Attaque, tout ça. C'est un super guitariste, excellent, humain, philosophe, tout. Il m'a beaucoup aidé d'ailleurs sur la tournée avec Damien, parce que à me préparer aussi. Alice, évidemment, que c'est ma rencontre, parce que c'est mon frère, mon poteau, on a flashé, on est. Je sais pas, je l'aime ce mec, c'est tout. Et puis on s'aime. Alice Botté. Qui a accompagné Bachung, Higelin, Kiefen, Daniel Dark. Tout ça, c'est la même famille. On parlait de famille avec oui, des bien sûr. C'est ce que tu cites. C'est, j'ai l'impression que vous êtes tous reliés. En tout cas, Damien, il a fait son casting. Il savait très bien ce qu'il voulait, qui il voulait. Il a ciblé. Il y a Jeff Dugmore qui est entre autres le batteur de Johnny. Ça fait 30 ans tout ça, mais bon, voilà, c'est des gars. Ils ont 50 balais, 60 balais. Enfin, voilà, c'est les vieux de la vieille. T'étais moi, le nouveau, toi, dans le groupe. Bah, j'étais le jeuneau. Nouveau parce que le puceau. Les autres, ils étaient tous déjà. Ils avaient déjà fait partie de la tournée précédente. Oui, bien sûr. Et puis des grosses expériences, de grosses tournées. Il y en a un qui revenait de 50 tournées. Voilà. Il y en a un avec 3 ans avec TFN, machin, truc bidule. Moi j'arrive, je vois les gaillards. Franck Fan c'est l'ami de 16, il est avec lui depuis le début. Mais voilà, la rencontre, il nous a fait la direction musicale, tout ça. Et puis nous tous, on s'est rencontrés. Il y a une réelle magie des rencontres. Faut le dire, c'est vrai. On s'est rencontrés. Il y a eu quelque chose à nous tous qui a fait que. Et puis aussi, au début, on était là pour Damien, donc il fallait quand même, il y avait de l'enjeu. Hein. Mm-hmm. Bon, voilà, on est tous sur le même bateau et ça a été extraordinaire. Voilà, la rencontre avec. Et puis du coup, ben des projets, il y a du futur, il y a plein de belles surprises qui vont arriver. Et puis j'en suis heureux. Alors pour dire que c'est vrai que j'ai changé un peu de style parce que j'ai été influencé par la musique un peu plus rock, et puis je découvre aussi tellement de groupes ça me déplaît pas. Ça m'a plu le fait, quand j'ai parlé à Bertrand, lui disant à Pascal aussi, j'aimerais bien avoir du beat dans Beltunaire un peu. Souvent on nous disait, mais pourquoi, mon père il adore la batterie, lui c'est un ch'tarbe de batterie. Alors, il me dit, mais pourquoi il y a pas de batterie dans Beltunaire? Je lui dis, mais c'est pas le style, il y a la pompe, il y a les grattes, il y a la basse. Alors là, maintenant qu'il y a de la batterie, il est heureux. Mais il y a du beat, et c'est vrai, bon, ça donne un peu aussi des repères dans le cerveau pour les gens. Et d'avoir, Joël, un clic. Par rapport à ton parcours, après, on écoutera oui. un morceau de Beltunaire, oui. du dernier album, ouais. du nouvel album à paraître ce vendredi 12 avril, et puis on parlera du parcours et du label aussi. Oui, oui. Peut-être des albums à sortir ou qui sont sortis. Le label, ici, label, celui de Bertrand Allôme, qui est ici présent. Johan, au cinéma alors, tu as tourné dans des films, tu vas tourner dans d'autres? Oui, non, ben non, mais c'est tu des. Dis quand même dans... Oui, c'est des petites apparitions, ouais, c'est même, des. C'est... Là aussi, c'est du metteur en scène qui. Oui, ben. J'ai tourné, que c'était quoi alors, avec Pascal Thomas, avec Julien Doré, Marina Hans. Je faisais un accordéoniste, voilà, dans une scène, dans un film, avec Léo Scarax. Voilà, c'était ça. Holly Motors, avec Denis Lavant, un ami, un copain, voilà, donc c'était super, parce qu'on jouait tous, on était plein d'accordéonistes, il y avait plein de monde réunis aussi. C'était un peu particulier, on a tourné dans une église et tout ça, avec, voilà. Et puis. Et un prochain film? Hein? Tu vas tourner dans un film? Alors oui, là il y a un film de Leila Albayati qui a sorti déjà Berlin Telegram, qui a été nominé. On s'est rencontrés lors où je jouais, j'avais été voir un ami à moi. Voilà, elle a décidé de m'incruster dans son film, mais sans que je joue rien, elle m'a dit, tu dois être toi. C'est ton personnage qui m'intéresse et toi, juste avec... Alors voilà, rencontre un peu amoureuse, je rencontre quelqu'un, truc bidule. Non, c'est sympa. Donc j'ai ça, c'est bon, ça a été tourné. Oui, oui, c'est tourné. Et tu sais quand ça va sortir? Ça a été tourné l'année dernière, mais tu vois, le cinéma, il faut trouver les sous-sous, les petits sous. Et faut que ça sorte, faut faire les subventions, tout, faut faire du montage et tout, donc peut-être l'année prochaine, oui. J'ai rigolé parce que les petits sous, hein, tu l'as interprété, sous, ah bah la oui, chanson oui, de oui, 16, oui. Oh, j'ai vu dans ton œil, ah, des petits sous, ben c'est clair. Visiblement, c'est le morceau qui clôt l'album Promis de Beltuner. Ah ouais, ouais. Et super. On va écouter au chant, ben, la compagne de oui, Chloé Chaudois. Écoutons. La rage souffle sur moi et le monde est ralenti. Je réalise que pour toi le jour s'oppose et à la nuit. Faut pas se forcer, je suis restée. venez d'entendre Chloé Chaudois qui a écrit les paroles et chanté sur ce morceau de Beltuner issu de l'album Promis qui sortira ce vendredi 12 avril. On est mercredi 10 et vous pouvez déjà entendre quelques morceaux dans cette émission et puis aussi si vous voulez aller sur le site beltuner.fr, vous aurez l'occasion d'écouter tout l'album et puis vous pourrez l'acheter et échanger, parler avec les quatre membres du groupe, et ce n'est pas rien puisque chacun a sa personnalité, ce sont des personnes toutes intéressantes, enfin j'en connais que deux, mais je pense que lui les gaillards, ça doit être du même acabit, donc ce sera une rencontre super sympa qui peut se passer ou ce soir à la Géromoise à Gérardmer à partir de 20h pour la release party comme on dit, donc c'est la sortie d'album, c'est ça. Et puis demain toujours à Gérardmer aux Copains d'abord à 18h30 vendredi, et ça sera le dernier moment pour les voir ces gaillards, hein, puisque après ils repartent de certains à Paris, d'autres on repart parce que vous jouez dimanche. Oui, on joue samedi et dimanche, enfin samedi en région parisienne, mais là c'est un concert privé, et le dimanche au Loup Pascalou. Mais sinon, vendredi, à l'Estaminet, à Vanier. Ouais. À partir de 21h, d'ailleurs, je vais en profiter, puisque c'est l'anniversaire de Rudy. Non, je ne vais pas chanter, je sais que vous n'aimez pas ça, vous allez éteindre vos postes. Non, je vais juste vous dire... À poil, Rudy, à poil. Non, ce qu'il faut dire, c'est qu'en plus de Beltuner, il y aura vendredi La Friche et Le Chauve. Ah oui, bien sûr. Et le lendemain, puisque... À l'Estaminet, ça sera un anniversaire sur deux jours. Le samedi festival. Oui, c'est ça. Le samedi, il y aura les NVP, il y aura Morik, Sick But Not Dead et Moko. Et puis bien sûr, hein, vendredi et samedi, chapiteau, il y aura de quoi se restaurer. D'ailleurs, enfin, ça sera à l'extérieur. Enfin, hein, il y aura bar extérieur, tout ce qu'il faut. Et Beltuner est encore là, mais plus pour longtemps, donc profitez-en. Vous allez encore. Je disais que ça allait être. Peut-être qu'on écoutera encore un dernier morceau comme tout à l'heure, pour revenir à l'instrumental, et puis aussi. Enfin, je sais pas, tu parlais de la batterie, Johan. C'est vrai que là, c'est pas là qu'on l'entend le mieux. Non, mais bon, c'est là quand même. Mais bien sûr. C'est là sans être là, c'est toujours la magie du son. Et je tenais à signaler, puisqu'on le disait, sur ce quatrième album, il y a beaucoup de nouveaux éléments, notamment cette photo, en tout cas la pochette, c'est plus Madame Beltuner qui était une illustration. Cette fois, c'est une photo de vous au dehors du Loup Pascalou, hein, ce lieu à Ménilmontant. C'est une photo qui est signée Rémi Goulet. Oui. Donc là aussi, pour ceux qui auront apprécié ce travail, ils pourront aller voir sur Internet son travail. Mmh. Voilà, Rémi, ouais. C'est un photographe de jazz. Moi, j'avais rencontré, parce qu'en fait, moi, j'ai eu plusieurs vies déjà. Mais justement, tiens, tu nous dis Rémi, puis après, parce que je l'avais dit, ton parcours. D'accord. Bah oui, Rémi, donc c'est un photographe de jazz que j'avais rencontré sur le festival de jazz d'Amiens dans un premier temps, et puis après, quand j'avais travaillé dans d'autres festivals de jazz, il m'avait suivi, il m'avait demandé des accréditations, etc. Et c'est un mec dont j'ai toujours énormément apprécié le boulot. On a repris contact, parce qu'il voyait que je jouais sur Paris avec Beltuner, on a pu reprendre contact. Et il est venu, je lui ai dit surtout prends ton appareil si on peut faire un peu de shooting, comme ça il a pris quelques photos du concert, puis après sans que ce soit réellement prévu, on allait faire une petite séance photo là dans la ruelle dont parlait Joanne là avec les tags, et effectivement il nous a sorti toute une série de photos plus magnifiques les unes que les autres. Et ça a été d'ailleurs un vrai casse-tête de choisir. Ah ouais, ouais. Et on avait plein de pistes. Super lumière, lanterne. Ah ouais, On avait plein de pistes pour faire cette pochette. Mais on savait, enfin, dès qu'on a vu, on a reçu les photos, on savait, enfin, moi, je savais que ça se passerait autour de ces photos-là. Et voilà. Et Rémi, que je salue, enfin, voilà, c'est un ami de longue date et un mec avec qui j'ai partagé des super beaux moments dans mes autres vies. Ah, si vous avez et dans la vie actuelle, du coup, c'est ça qui est bien. Envie de voir les photos de Rémi Goulet, vous pouvez taper dans votre moteur de recherche Rémi Goulet, G-O-U-L-E-T. Et puis les autres photos, comme vous le disiez, hein, c'est dû être un choix pour la pochette de l'album de Beltuner. Donc on peut voir sur votre compte Instagram, je crois, vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux, donc on peut voir les autres photos, celles qui n'ont pas été... Oui, on a publié certaines, voilà, histoire que les gens découvrent un peu... On les a gardées un moment, parce qu'il fallait qu'on fasse notre choix, mais maintenant, on les a publiés, histoire que les gens... Ouais, doucement, on les publie petit à petit, c'est sûr, on en a plein, mais bon, ça va servir pour, évidemment, la promo, les concerts, tout ça, sur les réseaux sociaux, puisque Enfin, moi et Bertrand, on est assez actifs sur Facebook, où vous pouvez retrouver Beltuner, et nous, indépendamment aussi. Enfin, Johan voilà. Rich et Bertrand Allaume, A2LAUME. Quel est ton parcours? Oh là là, mais l'émission, elle va se finir demain matin. Un petit résumé, oui, ça va être long sinon, là. Déjà, avec Johan, on l'a vu, c'est forcément un long parcours qui commence à s'étendre. Mais qui êtes-vous, monsieur? Ah ouais, avec Johan, ouais, on s'est rencontrés en 97. J'étais. En fait, alors le truc, bon, pour faire simple. Toi, t'es un fou de musique déjà, tout comme Johan, je veux dire, t'es ouais, dedans. Oui, je suis un fou de musique. J'ai commencé, moi, je me suis mis à la basse. Enfin, j'écoutais beaucoup de musique. J'avais pratiqué de la guitare classique rapidement, mais surtout, je me suis mis à la basse quand j'étais en seconde. Puis après, j'ai pu lâcher. Et après, en fait, moi, j'ai un parcours très éclectique. En fait, pour faire simple, je suis juriste. À la base, mais un juriste qui s'est spécialisé dans le droit de la propriété intellectuelle, tout ce qui est droit lié au spectacle vivant et au festival, etc., pour faire très large. Puis en même temps, j'ai une spécialisation dans les sciences de l'information et la communication. D'ailleurs, des études que j'ai fait pas loin d'ici, parce que je suis picard, mais je suis venu faire une partie de mes études à Metz et à Nancy, d'ailleurs. Voilà, donc moi j'ai ce parcours-là. J'ai commencé comme administrateur de festival de jazz à Amiens, à Banlieue Bleue, gros festival de. J'étais chargé de production, puis après je fais de l'administration là, donc le gros festival de région parisienne autour du free jazz, la Banlieue Bleue. Et puis en même temps, il y a plein de rencontres, etc. J'ai quitté Banlieue Bleue au début des années 2000, vraiment là pour me concentrer sur la musique. Et puis, en même temps, pour mes études, j'avais commencé à mettre mon nez dans tout ce qui est technique, technologie. Il faut remettre ça dans le contexte des années 90, hein, tout ce qui est technologie, informatique musicale, c'était balbutiant. Bref, alors sans rentrer dans le détail, j'avais commencé à travailler à fond avec un logiciel de musique allemand à l'époque, Logic, qui était développé par la société Magic en Allemagne. Et puis cette société a été rachetée par Apple en 2003 ou 2004, je sais plus. Voilà. Et comme j'avais monté le premier forum francophone autour de Logic, Apple naturellement m'a appelé en me disant bah tu veux faire les démos, donc j'ai commencé à faire des démos autour de l'audio pour Apple, et puis après autour de la vidéo et de la photo, etc. Jusqu'en 2010, voilà, et puis après, en 2010, je suis vraiment allé bosser pour Apple, en fait. J'ai quitté l'intermittent, je suis allé bosser pour Apple, et puis après, moi, j'ai eu tout un parcours à travers d'autres sociétés, comme ça, je mettais en avant mes compétences techniques. Ah, et en même temps, en 2003, j'avais fondé Ici Label. Quand j'étais étudiant en droit à Amiens, c'est là que j'allais assister aux enregistrements du Label Bleu à Amiens, avec Philippe Tessier-Ducrot aux manettes. Donc c'est là que j'ai appris plein de choses sur la prise de son. Enfin voilà, j'ai toujours eu cette diff, à la fois le côté musicien, le côté réalisateur, et puis le côté management et juriste. J'ai toujours utilisé les trois à la fois. C'est génial d'avoir toutes ces facettes. tu as tout le prisme. Tu peux vraiment avoir un regard complet. Ouais, c'est ça. Mais c'était l'idée, mais que j'avais eu dès le lycée. Je savais que je serais musicien d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vraiment le seul truc qui m'intéressait réellement. Mais j'étais déjà très axé sur la réflexion autour de la création, etc. Et ce qui m'intéressait, c'était l'autonomie. J'avais lu plusieurs bouquins d'artistes qui m'avaient touché, et je m'étais rendu compte que l'autonomie, le fait de tout maîtriser de A à Z, c'était vraiment la clé. Et c'est toujours ce que j'ai développé, entretenu, le fait que je suis à la fois musicien, j'écris, mais je peux aussi enregistrer moi-même mes albums, je peux les produire, je peux les distribuer, je peux faire la com, je peux signer les contrats, je peux, voilà. On en revient à la liberté de ce mais oui, fait, tout à fait. De ce fait, tu peux exactement mais proposer ce dont tu as envie. C'était vraiment c'est vraiment le côté liberté qui m'a apporté, et voilà, ça a dessiné en fait tout mon parcours et scolaire et universitaire et après professionnel. Et aujourd'hui, je continue à avoir différentes activités. J'ai toujours le label dont je m'occupe. J'ai toujours, en tant que musicien, bon, Beltuner, c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps, même si j'ai toujours des projets à côté, j'écris, etc. Et puis en tant que spécialiste technique, mais comme le rappelait Johan tout à l'heure, voilà, je suis le responsable technique d'Audio Technica France et Afrique du Nord. Donc où là, je mets à disposition de tout le monde mes compétences en prise de son, la connaissance de la microphonie, des technologies, etc., etc. Ici Label, ton label ouais. Depuis 2003, tu disais. Ouais, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quelles sont les sorties en plus de l'album de Beltuner? Alors Ici Label, en fait, on le fonde en 2003 avec deux copains. Mathias Marcipar, qui est un super clarinettiste argentin, avec qui je jouais. Alors moi, j'étais intermittent à l'époque et j'avais rencontré Mathias quelques temps plus tôt. D'ailleurs, via la même compagnie de théâtre de rue qui m'a permis de rencontrer Johan quelques années plus tôt. Donc, c'est une compagnie de théâtre de rue avec laquelle je travaillais, avec laquelle Johan avait travaillé également. Donc, on s'est rencontrés là, en fait, exactement. Et bref, je rencontre Mathias Marcipar, un clarinettiste donc argentin qui venait d'arriver en France avec, qui venait de revenir en France avec sa femme et ses enfants. Quand il était môme, il avait quitté l'Argentine au moment de la dictature, etc. Il s'était retrouvé à Compiègne avec ses parents, mais il était tout minot à l'époque. Plusieurs années plus tard, avec ses enfants, sa femme, il essayait de revenir à Compiègne pour redévelopper ses réseaux musicaux, essayer de faire autre chose, parce que l'Argentine, c'était un peu compliqué, c'était la crise économique, hein, on est en 2002-2003. Bref, donc je rencontre Mathias, et il me propose de prendre la basse dans le groupe argentin dans lequel il tournait, notamment pour les tournées européennes. Il y avait un bassiste pour l'Argentine, mais moi je faisais les tournées en Europe. Donc là, c'était une grande découverte pour moi, parce que les musiciens argentins, la moindre musique basique, pour nous Européens, c'est de la haute voltige. Donc il a fallu que j'apprenne plein de musique, des choses très codées, et puis qui s'inscrivent dans une histoire longue des traditions musicales, et surtout très virtuoses. Là, ça a été un gros gros boulot pour moi. Bref, on part en tournée, on fait 2 ans de tournée, on tourne 2 années de suite plutôt. Et puis Mathias me disait faut qu'on enregistre un album. Je dis, j'étais en train de m'équiper pour commencer à faire des enregistrements un peu plus sérieux que ce que j'avais fait jusqu'ici. Donc il y avait ça d'une part, donc avec Mathias. Et puis l'autre musicien qui est vraiment un musicien très important, c'est Lionel Rivière. En fait, c'était déjà c'est un corniste, un super corniste, qui dirigeait la batterie fanfare de Compiègne. Donc c'est vraiment quelqu'un de très spécialisé dans tout ce qui est cuivre naturel et tout ce travail autour des batteries fanfare, qui est vraiment un truc important dans le patrimoine français. Et puis vraiment un super compositeur, tout ce qui est en musique contemporaine, et c'est un des compositeurs, je crois, les plus joués maintenant en concours de conservatoire. Un musicien vraiment formidable. Et puis tous les trois, on avait le même problème, on avait nos projets, on avait des projets où ça se croisait, parce que Mathias et moi, on jouait ensemble. Après, on avait même des projets, Mathias, Lionel et moi. On démarchait, on allait voir les maisons de disques, etc. Moi, je les connaissais en plus, parce que pour différentes raisons, à l'époque où je bossais à Banlieue Bleue, par exemple, j'étais en connexion permanente avec les maisons de disques pour qu'elles me présentent leurs nouveautés, etc. Donc je connaissais bien cet univers, et c'était compliqué de faire sa place. Et moi, je me suis dit, tiens, en fait, j'avais monté un label. Enfin, ici, label, finalement, il est créé officiellement en 2003, mais en fait, je l'avais créé dans une première version en 98 pour sortir l'album de mon groupe de l'époque qui s'appelait Folandia, avec qui je tournais. Donc, et puis voilà, j'étais encore dans mes études. Donc, j'avais monté un label de toutes pièces en quelques semaines. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est de dire, écoute, moi, le label, il existe toujours. Je peux le raviver, je peux le réanimer du jour au lendemain. Donc, on peut se faire monter notre propre label et puis produire la musique qu'on a envie de produire. Donc, c'est ce qu'on a fait. En 2003, j'ai réactivé le label. En 2004, on a sorti 2 premiers disques, dont le Escaramuro, donc le groupe argentin avec lequel je tournais là, et le groupe de Mathias Marcipar dans lequel je tournais. Et puis Lionel a sorti le premier album de Nomade Quintet. Voilà le projet sur lequel il travaillait à l'époque. Voilà, c'était le point de départ. Et on savait que l'album suivant, c'était Belle Tuner, parce qu'on les avait vus en concert, on était déjà super fans. Et puis petit à petit, on a construit tout un catalogue, en fait, en s'appuyant essentiellement, en fait, sur nos créations. C'était soit ce que je composais moi, soit ce que composait Mathias, soit ce que composait Lionel. C'était nos projets, en fait. Et puis, de temps en temps, on ouvrait à des projets qui nous plaisaient. Voilà, c'était le cas de Belle Tuner. Il y avait aucun de nous qui jouait dans Belle Tuner à l'époque. Mais c'était simplement un groupe qu'on trouvait super, qui rentrait complètement dans le contexte. Et le contexte, en fait, l'envie, le fil rouge dans le label, c'était l'écriture. Être un label qui soutient les gens qui écrivent. Et puis l'improvisation, c'était vraiment encore une fois, on revient à ça, c'était vraiment les deux choses qui nous semblaient super importantes, qu'on avait envie de défendre, parce que dès qu'on parlait d'improvisation, même auprès des financeurs, des subventionneurs, etc., c'était pas du tout le truc à la mode, tout le monde voulait faire de la musique actuelle, il fallait faire des choses, il fallait faire du rap, etc., pour être subventionné en tant qu'artiste, donc c'était compliqué. Et là, avec le label, Même si ça a été assez compliqué, on a eu des discussions assez surréalistes avec certains organismes, comme la DRAC notamment, enfin bref, mais... voilà, on est parti là-dessus, et puis on a pu produire des tas de projets. Faut savoir aussi qu'en tant que label, bon ben voilà, il fallait que financièrement ce soit viable. On a une chance énorme, c'est que le troisième album qu'on sort, c'est donc l'album de Beltuner, qui se vend énormément, qui permet de faire rentrer vachement de cash tout de suite dans le label. On est en 2005, etc. À l'époque où les disques se vendent bien, donc ça permet vraiment de pérenniser. Et puis rapidement, on a deux salariés sur le label, etc. Donc c'est un truc qui se met très bien en place. Et puis ça va nous permettre de produire des tas de projets qu'on avait en tête pendant une bonne dizaine d'années, parce qu'en fait on fait une grosse fiesta pour les 10 ans du label, donc c'était pour les 10 ans de la sortie du premier album, donc en 2014 avec Beltuner. On fait un petit festival à Compiègne là, avec que des artistes du label. Voilà, et après ça va changer un tout petit peu, parce que les subventions commencent à disparaître, les ventes de disques s'effondrent. Et puis Mathias, pour des raisons personnelles, décide de repartir en Argentine. C'était un tout petit peu avant. Voilà, et puis après, quelques années plus tard, Lionel décroche le concours de directeur de conservatoire et se retrouve directeur du conservatoire de la Clusaz, en Haute-Savoie. Ce qui est quand même assez loin de la Picardie. Bon bref, et donc le label a continué à évoluer, il vit toujours très bien. Et c'est vrai que j'ai gardé, en fait, parce que maintenant il y a une toute petite équipe resserrée autour de ce label. Bon, c'est plus la grosse équipe qu'on avait à l'époque, mais on arrive à le maintenir en vie, à le rendre économiquement viable. C'est le truc le plus important. Et du coup, ça aujourd'hui, c'est surtout axé. Finalement, c'est resté dans la dynamique. C'est, puisque je suis le seul vraiment toujours présent, il y a beaucoup de choses autour de mes projets, d'une part. Donc Beltuner, naturellement, puisque je joue dedans, même si c'était prévu déjà de longue date que le prochain album de Beltuner soit également sur Ici Label. Et puis quelques projets comme ça qui sont liés à des rencontres, à des retrouvailles. Le dernier album qu'on avait sorti, c'était en 2016. C'était le premier album jeune public, qui s'appelle Léo et l'effet papillon, qui a été un très beau succès d'ailleurs. Un très joli disque avec vraiment une belle écriture, un beau spectacle pour enfants qui a beaucoup tourné dans les théâtres parisiens en 2016-2017. Et qui va reprendre d'ailleurs à l'automne prochain. Voilà, juste avant on avait sorti Nicolas Dritrio, qui est un ami d'enfance, un pianiste qui est en train de se faire une jolie place sur la scène jazz parisienne. Voilà, donc différentes rencontres. Et puis là, pour la suite, ben voilà, on travaille autour de Beltuner. L'album sort vendredi là, le promis. Mais on est déjà avec Johan en train de cogiter à ce qu'on va faire pour la suite. Hein. Vous savez que dans 2 ans, ce sera les 20 ans de Beltuner, donc oui. Il y aura des surprises et on y travaille. Oui, ben Bertrand a l'idée. Dans sa vision, il est visionnaire un peu dans sa projection de. Non, mais il m'a dit, ce serait bien de marquer le coup. 20 ans, c'est quand même pas rien. Un groupe qui dure 20 ans, quand même. Hein. Donc, il aimerait bien sortir un DVD avec des bonus, des petites vidéos. Vous avez fait une captation d'ailleurs hier. Festival, oui, avec Sophie Sapp d'ailleurs et toute son équipe de Vosges Télévision qui on s'entend super, super bien, avec Dominique Marotel du studio Microclimat. Bertrand a eu l'occasion aussi de faire la rencontre hier. Non, enfin, en fait, il y a plein de pistes. On est en train de, voilà, on a encore 2 ans. On est en train d'échafauder des plans pour l'instant. Mais oui, on est en train, voilà, il y aura des choses autour de Beltuner forcément dans les 2 ans qui viennent encore. Mais il y a une captation vidéo de votre concert au Soul Jazz Festival. C'était à Grange, sur la, non, à la Grange. La Grange à musique. La Grange à musique. Ouais. Alors, ah, voilà, voilà, il y a eu ce concert-là, etc. Et ça va sortir en DVD, ça? Non, pas pour l'instant. En fait, la captation, elle est surtout prévue pour faire ce qu'on appelle un EPK dans le métier. Electronic Press Kit. Donc, une petite vidéo qui permet pour la com. Voilà. C'était vraiment l'objectif de cette captation. Et pour les 20 ans, ça serait autre chose. Bah ouais, parce qu'il y aura forcément de nouveaux morceaux. Là, si on faisait un DVD, ce serait le DVD de qui correspond à Promis. Et puis là, voilà. Mais là, l'idée, c'est on s'est déjà remis à écrire pour la suite. Enfin, il y a déjà des idées. Il y a plusieurs projets. On en discute. On va pas tout dévoiler maintenant. Alors voilà, on espère que vous reviendrez ici à Gemozo pour plaisir. Les 20 ans, ça serait génial. Bah, carrément. Et puis, dans les nouveautés pour cet album Promis, il y avait justement le fait que là, il n'y a pas de titre enregistré en public, alors que sur les trois précédents. Alors c'est pas tout à fait vrai. Alors l'enregistrement, il a été un peu particulier. Enfin, en même temps, il était prévu exactement comme les autres. Là, on était reçu à Nogent-sur-Oise. Par la ville de Nogent qui a financé l'album en partie et qui a un très bel équipement qui s'appelle le Château des Rochers, dans lequel il y a le studio NSO dirigé par Rémi Guyot, ton ami. Non, Pierre Guinot. Par Pierre Guinot, avec qui on avait commencé ensemble au Label Bleu dans les années 90, et donc c'est un studio municipal très bien équipé au sein du Château des Rochers, qui est un des lieux culturels de la ville de Nogent-sur-Oise. Donc on venait passer là une semaine pour enregistrer cet album. Alors on a eu des petits soucis techniques parce qu'on voulait pas enregistrer dans le studio, on voulait enregistrer dans une des salles de concert, mais il y avait des problèmes au niveau du son, on n'avait pas exactement le rendu qu'on souhaitait. Donc il a fallu tout rapatrier dans le studio. On a perdu 24-48 heures à faire des tests, à réfléchir, etc. Et bien sûr, on avait prévu un enregistrement en public à la fin de l'enregistrement, enfin du temps d'enregistrement à huis clos, comme on a fait sur les albums précédents. Mais en même temps, on est en 2018-2019, maintenant il faut de la vidéo, sinon on n'existe pas. Donc en fait, on a simplement remplacé ce temps public par une captation vidéo. En fait, on avait du public en dehors du studio, mais on avait aussi les caméramans dans le studio. Là, ce sont les vidéos qui sont les deux dernières vidéos qui sont parues sur la chaîne YouTube, exactement, et sur la page Facebook. Donc On a enregistré pendant tout l'après-midi, vraiment en condition live, avec l'éclairage, avec les caméramans qui étaient là, des gens du public dans la régie du studio. C'était vraiment, on a retrouvé cette ambiance live. Et effectivement, on a enregistré quatre morceaux. On a enregistré quatre morceaux pendant cet après-midi-là pour la captation vidéo. Et au final, ce sont les versions qui sont présentes sur l'album, parce que c'est des vrais morceaux dans l'ambiance live, etc. Et encore une fois, il y avait une dimension dans ces morceaux qu'on retrouvait pas forcément dans les morceaux huis clos, qui étaient peut-être plus propres, plus léchés, etc., mais qui n'étaient pas du 100% bel tuner comme on voulait. Alors je récapitule, on va se quitter de cette façon. Déjà Bertrand Allôme, qui est bassiste pour Bel Tuner, mais pas que, directeur de label. Et vous pouvez aller là aussi dans votre moteur de recherche, vous tapez ici label, c'est simple. Ici tirer label. Tout de suite, on tombe tout de suite sur la page, le site internet de ton label. Et t'as pas évoqué tout à l'heure quand même, parce que je parlais de Bel Tuner funky sur cet album. Il y a du funk dans Ouroub. Ouroub. Ouroub, c'est une vieille histoire. C'est le groupe de reggae dans lequel je jouais quand j'étais ado, quand j'étais en fac de droit à Amiens. C'est un groupe un super groupe de reggae qui a vraiment marqué on va dire au moins la Picardie dans les années 90. Et puis après, moi je l'avais quitté parce que justement je suis venu faire la suite de mes études à Metz. Le groupe s'est arrêté en 2000. C'était tourné. Et puis en se revoyant avec certains des musiciens, c'était en 2011 ou 2012, c'était pour l'anniversaire du chanteur d'ailleurs, d'un des chanteurs. On s'est dit, tiens, et si on faisait un concert pour les 20 ans? Voilà, à Amiens, il y a la Lune des Pirates, une salle dans laquelle on a beaucoup joué, qui est la salle musique actuelle d'Amiens, qui est une salle assez légendaire. Donc on s'est dit, tiens, on appelle la Lune des Pirates, on boucle une date et on fait un gros concert pour les 20 ans où on rassemble tous les musiciens qui ont pu passer dans le groupe. C'est-à-dire qu'on se retrouvait après d'une vingtaine sur scène. Et voilà, c'était une aventure assez drôle qu'on a remontée. Et puis donc on s'est retrouvé, on a fait ce concert. En plus, la ville d'Amiens a commandé un documentaire sur le groupe, parce que encore une fois, c'est un groupe qui avait vraiment compté. Donc il y a 52 minutes qui a été tourné sur le groupe, qui a été diffusé pendant le festival du film d'Amiens, qui se tenait quelques mois plus tard. On a refait un second concert. Et puis bon, après l'aventure était un peu devait s'arrêter là. Excuse-moi. Et moi, je trouvais ça un peu dommage. Donc j'ai recontacté François-Jean Dazin, qui est un des fondateurs du groupe. On peut dire, mais attends, on pourrait pas continuer. Donc on a remonté une petite équipe, on a recommencé à travailler. Donc c'est comme ça que François-Jean a composé, et puis qu'on a enregistré le morceau With the Fire. Pas With the Fire, Cosmo Funk, qui est sorti en single. Et puis après, là encore, les aléas de la vie. Dans Ouroub, à certaines époques, il y avait 3 chanteurs. Et puis malheureusement, il y a un des chanteurs qui est décédé de manière assez brutale encore. Et voilà, et c'est des choses un peu comme on parlait de Nico tout à l'heure. C'est des choses que tu te prends dans la gueule. T'as pas eu le temps de dire au revoir à ton pote, etc. C'est un truc que tu vis mal. Et donc on a décidé de faire un album hommage en reprenant les morceaux de ce chanteur Jaman, qui était un chanteur de reggae vraiment très connu sur Amiens, tout au moins. Et puis bon, qui a écrit des morceaux assez formidables, qui avait un sens de la mélodie assez génial. Et donc on a remonté une équipe pour faire sa musique qui avait pas été enregistrée tant que ça, qui avait pas pu être diffusée, bah qu'elle existe et qu'elle soit disponible, que les gens puissent se rappeler de ce musicien qui a beaucoup compté pour nous. Cet album hommage d'Ouroub. Ouais, Ouroub. C'est disponible depuis cet été sur le label Ici Label. Tout à fait. Vous pouvez retrouver le site sur internet. Et l'album de Beltuner, promis, eh bien, il est sorti, parce que pour moi il est sorti, je l'ai là. Et puis je l'ai déjà entendu écouter plein de fois. Bénard. T'as l'air de bien connaître le dossier, tu vas pouvoir peut-être faire notre agent aussi. Ah bah tiens. Si tu veux nous faire tourner, tu as l'air de maîtriser le sujet en tout cas. Ah bah on va en parler en antenne. Alors vous pourrez bien sûr obtenir cet album, tout comme les 3 précédents. Enfin, il y en a un qui n'est plus disponible en version physique. Oui, mais vous pouvez l'avoir en numérique. Déjà, je vous conseille d'aller sur internet, vous tapez Beltuner, Beltuner. Il y a les réseaux sociaux, il y a bien sûr bon la page Facebook, hein, c'est vraiment, j'ai envie de dire que là on peut suivre d'une manière très globale. Oui, bien sûr. Après l'album, c'est sûr, vous n'allez pas le trouver dans tous les bacs de France, dans toutes les Fnac et tout ça. Donc c'est sûr que le mieux, c'est de le précommander, puisque c'est tellement facile maintenant, ou de l'avoir sur votre playlist sur votre ordi. Mais bon, un jour il tombera en panne et tout ça, ça partira en fumée. Donc c'est bien de l'avoir en physique pour le collector, et sinon de venir nous voir à l'occasion à Paris ou ailleurs sur les festivals cet été où on va jouer, et puis de venir directement à nos devants. De toute façon, on n'est pas des bêtes sauvages, on aime discuter avec les gens après le concert. On sera volontiers heureux de communiquer avec vous et puis de vous vendre un album. Et la meilleure occasion, oui, c'est maintenant, c'est-à-dire, ça, c'est sûr. C'est-à-dire ce soir, on se mercredi 10 avril, tu ne sais pas quoi faire, ah bah tu vas aller à Jérôme, c'est tout près de chez toi, ou tu es peut-être Jérômois, il y a la Jérômoise. Ah oui. À 20h, Beltuner sera présent avec des albums, vous proposerez un concert. Oui, bien sûr, oui. Vous pourrez échanger avec ceux qui viendront vous voir. Non, on mange et on regarde tout le monde. Finalement, si, ce sont des bêtes sauvages. Et demain, toujours à Gérardmer, aux copains d'abord, à 18h30. Oui. Puis, pour finir... Et vendredi, chez Rudy. Le Vosges Tour de Beltuner. Ça sera vendredi à 21h. Mais bon, ce sont les horaires qu'on vous donne, c'est à titre indicatif. Vous pouvez venir bien avant. C'est quand même assez... Oui, bien sûr, vous pouvez venir avant pour vos... Ce sera assez le gosier. Voilà, venir boire une bière, l'apéro, même si vous buvez pas d'alcool. Moi, j'en bois pas, il n'y a aucun souci. On boira un petit cocktail fruit de la passion ensemble. Ou la Jojo, la bière sans alcool. Ah bon, je connais pas. Il y avait pas une Jojo? Ah bon? Je suis pas une... Ah non, mais c'est le glaude là, c'est Marco Genacio, c'est Marc Genacio, c'est lui qui brasse de la bière et je pense qu'il avait sorti une Jojo. Ça parle? Ah non, oui, d'accord. C'était sur la tournée ans, avec 16. Ouais. C'est du groupe où je sais plus qui avait sorti ça. Ah ouais, la terrible. Jojo, une bière au sapin? Oui, oui, oui, oui. Oui, bah oui, voilà. On sait d'où on vient, hein, quand même. Oui, oui. En tout cas, ça fait du bien sûr de revoir Johan. Oh, ça faisait longtemps, faudra qu'on se revoie plus souvent quand même, oui. Michael. Bah, t'as pas changé en tout cas, toi. Pas non plus. Purée, t'es toujours bonne mine, toujours optimiste, toujours sympa, tout. Je sais pas comment vous le voyez dans les Vosges, hein, il a peut-être un autre visage. Mais en tout cas, Fantomas. Non, ça assure, c'est bien, c'est super agréable et on est super détendu. C'est un réel bonheur de venir parler de notre travail chez toi. Voilà, je conseille vivement de te rencontrer. Mais merci, mais tu veux Marcette? J'écoute du Belchior. Ah ouais. C'est ça. Tout est là. Tout est dit. Ah ben. On va se quitter. Alors, merci beaucoup. Plutôt qu'un générique, on va écouter un titre de l'album. Mmh. On va dire au revoir à ceux qui nous écoutent. Est-ce que vous avez un morceau préféré qu'on n'aurait pas écouté? Alors, si c'est pas alors, le même, on va t'embêter. Moi, j'en aurais un parce que c'est un morceau. Enfin, je sais pas. Faut voir Bertrand parce que c'est vrai. Quand on compose, bon, à part quand on a chacun des indications ou tout ça, où on dit ben, ça, je préfère, bien sûr, mais on demande toujours, on valide à l'unanimité, on se concerte, on voit si, voilà, chacun donne son avis aussi, c'est toujours ouvert. Mais je sais pas, un morceau un peu qui sort de l'ordinaire, parce que c'est un morceau qu'on a composé tous les quatre. Oh, le puzzle. Écoute, c'est génial ah parce bon que. Tu pensais? Écoute, j'avais prêt. Ah bah, tu viens voir le morceau mais que j'ai calé mytho, sur le site. Mais quel mytho. Mais le truc, c'est que je voulais vous faire dire votre morceau préféré, mais en fait, je voulais vous dire ce que tu viens de dire avant, c'est pas vrai, je suis un pourri, je vous demande le morceau, mais je passe le morceau que je voulais faire. C'était le même, hein, c'est vrai. Ben, c'est le morceau où, voilà, nous quatre, on a mis autant, c'est notre morceau à tous les quatre, bah, notre compo. C'est un morceau qui est né d'une, oui, d'une répète, d'une jam, comme ça, en répétition, on commence à creuser, et puis voilà, c'est un morceau qui s'est fait très vite, en final. Oui. Et j'ai aimé tous les morceaux, mais celui-là, c'est vrai que je sais pas, je me suis mis à bouger là tout seul, et puis surtout, ah ben bah, je t'imagine surtout, bien, j'ai toi t'es, ensuite t'es un qu'il ouf. Était, que c'était le seul, comme tu viens d'expliquer, qui était crédité par vous quatre. Oui, tout à fait. Donc, voilà. J'ai trouvé c'est ça. Ça oui, exactement. Bah, excellent. Mmh. Et du coup, puisque on l'a pas à dire, mais c'est vrai que comment ça se passe dans Belchuner, l'un ou l'autre amène un morceau, et puis ensuite vous le travaillez. Voilà, on suggère, dit tiens, quatre. J'ai une nouvelle compo, vous en dites quoi déjà? Est-ce que ça te parle? Est-ce que t'aimes ou pas? Et tout. Après, on valide ou pas. Oui, ça nous intéresse, pourquoi pas. Après, je joue le thème. Si moi, c'est une composition, ben, je joue le thème aux gars. Et après, libre à eux de faire leur arrangement à eux selon leur bagage musical, selon leur culture, leur ressenti, selon tout. Après, si j'ai vraiment des indications ou j'ai composé quelques petites choses, je dis. Mais voilà, un maximum de liberté. Il y a dans le groupe Belchuner Michael Correa à la batterie, Pascal Muller à la guitare. Ils ne sont pas présents dans le studio Radio Gemozo cet après-midi, mais ils seront ce soir à la Jéromoise. Et par contre, présents, et on va leur dire au revoir, Johan Rich, accordéoniste, compositeur comme les autres, et puis Bertrand Allôme, bassiste, réalisateur. Et on écoute le morceau Puzzle issu de votre album. Merci beaucoup, Michael. Merci à toi. Merci, Michael. À très bientôt. Prochaine. À très bientôt, les Vosgiens, les Glaudes.